Mickaël nos limites, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Eh bien, rebonsoir pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue tout le monde, c'est Mickaël nos limites. La soirée continue évidemment avec vous. Comme tous les soirs, on se retrouve de 23h à 2h du mat. C'est Mickaël nos limites du lundi au jeudi. Et puis il y a le dimanche également à 20h minuit. Parce que oui, il y a enfin quelque chose à la radio le soir. Et on a déjà d'ailleurs Lucas qui est avec nous là. Bonsoir Lucas. Ouais, bonsoir. Comment ça va? En forme? Ça va et vous? Salut. Eh ben écoute, plutôt bien là, tranquillement. Pépère, j'ai envie de dire. À la cool. Ouais. Putain, on a une lumière de mer dans le studio, c'est comme scandaleux. Je sais pas ce qui s'est passé. D'habitude, on a une lumière tamisée. Ouais. On a un peu de rouge, un peu de mauve, etc. Un peu barapute, ouais. Et là, on a une lumière toute grise. C'est horrible. Et oh le pire, c'est qu'on voit la tête de Tof dans toute sa dégueulasserie. Ah ouais. Là, on voit pas. Moi, je peux pas, j'arrête. Ah je m'en vais. J'ai de la poudre, si tu veux, pour cacher la lèpre de Tof. C'est gentil, merci. Bon, Lucas, on va parler de quoi avec toi, dis-moi, là? Mais en fait, c'est parce qu'il y a un mec qui faisait que raconter des mythos à la meuf que j'aime. Oh. Et en fait, je sais pas quoi faire, en fait. C'est pour ça. Mais il raconte quoi comme mytho? Mais il a dit que, en fait, si elle voulait pas sortir avec moi, la meuf, que j'allais reprendre sa cousine, en fait. Attends, si elle voulait pas sortir avec toi, que t'allais choper sa cousine? Ouais, parce qu'en fait, je suis déjà sorti avec sa cousine. Et je voulais sortir avec elle. Notre cousine? Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, t'es un ouf, toi. Ouais, toi, t'es bizarre, effectivement. Bon, alors, Lucas, reste avec nous, là. Bon, bah, si vous voulez passer à l'antenne, comme Lucas, là, hein, bah, vous faites le 01 42 48 5000. Ça marche aussi pour la Belgique, bien sûr. 02 851 4x0. Et, vous tomberez, sur la 12 voix de Sandro. Ouais, salut. Ouais, bienvenue à la prochaine. Tu ta mère et tout. Bon, ça va bien? Ouais, ça va. En forme? Oui. Bon, tant mieux. Tof qui est là également. Hein. Il ne se tient plus depuis qu'il a vu la nouvelle pub pour le site Glidden. Mais oui, c'est énorme. Oh là là. C'est quoi? C'est énorme. Bah, c'est le nombre de gens qui trompent en France. C'est juste surréaliste. C'est-à-dire un mec sur deux et une femme sur trois. La folie totale. C'est génial. La folie totale. C'est génial. Comprends. Ça veut dire qu'on peut tromper tranquillement maintenant. Mais oui, voilà, c'est ça. Tranquillos. Tranquillos. C'est ça qui est bon. Bon, on rencontrera également de nouveaux amis de Tof. Faire foutre, pauvre connard. Voilà. Obsédé, bah que t'es. Voilà, mais ça c'est vrai en même temps. Hein. Polo non plus, il se tient plus depuis qu'il a eu l'antenne pour lui hier soir avec, avec Jean-Pierre. Hein, Jean-Pierre Sauzère. Bon, ça a été très rapide avec Jean-Pierre Sauzère. D'ailleurs, Jean-Pierre Sauzère est puni. Parce que je lui avais dit que s'il raccrochait encore une fois, il était puni d'antenne pendant une semaine. Il et a le raccroché. Pire, on a fait tout ça pour lui, pour exactement. L'aider. Et il ne s'en est pas rendu compte, c'est dommage. Voilà. Bon, du coup, il n'a pas arrêté de demander s'il pouvait encore revenir ce soir. Bon, moi j'hésite un petit peu, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes derrière la radio? Puisqu'au final, c'est surtout vous, en fait, qui devez nous dire si vous avez aimé ou pas. Hein, ce polo contre le reste du monde. Donc si vous voulez que ça revienne ce soir en fin d'émission, eh bien dites-le nous, hashtag Mickaël, sur le Twitter de l'émission, sur le Facebook également. On vous attend à taper Mickaël officiel pour venir me rejoindre. Ce sera avec grand plaisir, vous serez tenu au courant de tout ce qui se passe dans l'émission et puis surtout vous allez pouvoir aussi repartir avec les cadeaux. Donc on vous attend, facebook.com/Mickaël officiel. Dites-nous si vous voulez réentendre ce soir les petites 5 minutes de polo. Ouais. Oui, gueule, n'hésitez en fait, pas, hein. N'hésitez voilà. Pas. Non, voilà. Je gueule pas, je défends les gens. Oui, il défend n'hésitez les gens, pas voilà, c'est ça. À vous manifester en masse. Bien sûr. Bon, il y a Fritri Alba aussi qui dit salut Mickaël, un petit message de Fidelity. Bah, bien sûr. Voilà, un petit message de Fidelity avec grand plaisir. Je veux pas que je te pénètre ta gueule, sale con. Voilà. Il y a Gaël aussi qui dit 50 en force ce soir, bonsoir l'équipe. Il y a Camélis également, salut l'équipe. Trop contente de vous retrouver encore ce soir, Mickaël. Bah, merci, on est content de vous retrouver aussi. Et puis, il y a Kelling qui dit toujours présent, je suis chaud patate. Et Orgagasmic qui dit c'est parti, bonsoir tout le monde. Et bah, merci Orgagasmic. Merci à tous ceux qui sont connectés ce soir. Et Let's Be Freaks qui dit aussi polo contre le reste du monde. Mais elle n'a pas dit si elle voulait ou s'il ne voulait pas. Donc, on ne sait pas si tu veux ou si tu veux pas, en fait, tout simplement. Bon, alors, n'hésitez pas si vous voulez taper la discute avec nous. Vous êtes les bienvenus. On écoutera aussi le son de Tony Junior tout à l'heure sur Fun Radio. Ah ouais, j'adore celui-là. Eh ouais, Twerk Anthem. Je vous calerai aussi Jason Derulo avec Marry Me. Il y aura le nouveau David Guetta que vous avez découvert hier sur Fun Radio. Shut Me Down. Et puis le nouveau Showtech. We Like to Party. Ah, autant vous dire qu'il va se passer des trucs ce soir. Hein. Et puis évidemment, on va chiller avec le son de Pharrell Williams. Ce sera Happy. Et Tof va chier. Ah bah lui il va chier. Nous on chille oui, et lui grosse il chier. Bah comme d'habitude, bien évidemment. Baveuse. Bon, vous pouvez bien évidemment aussi réagir à l'émission avec le hashtag Mickaël. Alors c'est vrai, désolé, malheureusement, le Tof Tutos ne marche toujours pas. C'est vrai que avant-hier, ça a fonctionné, puis ça a merdé. On a un petit programme qui permet de compter vos tweets. Et en fait, il ne marche plus. Donc on devait avoir une réparation aujourd'hui. Ça ne s'est pas fait. On m'a promis demain. J'espère. Super. Mais comme c'est le même mec qui s'occupe de la lumière, on n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé, je confirme. Donc bon, on verra ça, mais quoi qu'il en soit, continuez évidemment. Hashtag MIKL si vous voulez, discuter avec nous, vous êtes les bienvenus, bien entendu. Bon, et puis vous le savez, hier on en a parlé. Eh oui. Balance man, cadence man, trace la classe, c'est trace le ta roquette. Bah oui, je vous en parlais hier, hein, l'équipe jamaïcaine là, qui s'est qualifiée pour les JO de Sochi, mais qui n'avait pas assez d'argent pour partir. Du coup, je vous avais mis le lien également sur le Twitter pour leur faire un don. Et grâce à nous, enfin à vous, puisque je n'ai pas mis d'argent. Hein. Oh, non, mais, c'est mal. Ouais, t'as mis toi? Ouais, j'ai mis 1 euro. Bon, l'enculé. 1 euro. Bah, bon. À 50 dollars, t'avais le t-shirt, mais je me suis dit 50 dollars, ça fait cher beaucoup. Quand même. Bon, et bon, en tout cas, grâce à vous, eh bien, ils ont déjà réussi à réunir plus que ce qu'ils n'avaient besoin, puisqu'il leur fallait 80 000 dollars. Et ils en ont 126 000. C'est quand même plutôt pas. Et 125 999 si Puff n'avait pas mis un dollar. Oui, wow. C'est vrai. Voilà, donc c'est quand même ça, c'est beau. Donc ils ont demandé 80 000. C'est 1 euro, j'ai mis un peu plus. Ah, donc 1,35€ à peu près. Voilà, ouais. D'accord, c'est bien. Bon, bah bravo et merci à vous en tout cas de les avoir aidés. C'est cool, hein, c'est plutôt cool. Lucas, t'avais entendu parler de ça hier soir ou pas? Ouais, j'ai entendu, ouais. T'as fait un don ou pas? Non. Enculé, va. Mais tu peux encore, hein. Il y a encore un jour ou deux. Non, mais là, ils ont assez. Ouais, mais c'est pour qu'ils se mettent bien. Hein, ouais, bah, ils vont se mettre bien, ils vont pas se mettre pépère dans un hôtel à la cool. Hein, ils puissent manger. Mais c'est bon, ils ont l'habitude. Changer leurs vêtements, les laver. Ouais, bah, c'est ça, ouais, t'as raison. Prendre t'as des raison. Putes. Ah oui, bah voilà, surtout ça. Ouais. Bon. Juste la parenthèse, c'était combien? Il y a genre 20 000 athlètes et ils ont dépensé 40 000 capotes aux derniers Jeux Olympiques. En fait, à chaque fois, les Jeux Olympiques ou les trucs comme ça, il y a un afflux massif de putes qui arrivent dans ces endroits. Ouais, ouais. Étonnant. Bon, Lucas, reste avec nous. On va prendre Gabriel également là. Salut, Gab. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bon, écoute, bien, Gabriel. Bien. Bon, on va se faire la colle, Gab. Allez, ça va. Allez, bah c'est parti, on y va. La colle, je le rappelle qu'il y a à gagner ce soir au choix, soit la GoPro Hero 3 Plus Black Edition, c'est le haut de gamme. Elle vaut 450€ et on vous l'offre ce soir. Soit vous repartez avec le casque Beats by Dre, c'est vous qui choisirez si toutefois vous avez la bonne réponse à la colle de Gabriel. Bon, alors Gabriel, alors, on t'écoute, il faut que tu donnes une colle aux auditeurs. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, il gagne, tu perds. Si personne ne trouve, c'est toi qui gagne. Et si la personne qu'on appelle ne décroche pas, c'est toi qui gagne aussi. On y va. Allez. Quel animal a un pied, deux sexes et un seul poumon? Quel animal a un pied, deux sexes et un seul poumon, c'est ça? C'est ça. Ah ouais. Bon, bah, si vous avez la bonne réponse, allez-y. Tof, non? Non. Non, c'est pas ça? Non, j'en ai encore deux, même s'il y en a un qui est un peu malade, mais j'en ai encore deux. On sait jamais. Non, j'essaie de réfléchir en même temps, mais bon. Si vous avez la bonne réponse, donc quel animal a un pied, deux sexes et un seul poumon, eh bien vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse, vous envoyez ça au 64-900 ou alors au 63-22 depuis la Belgique. Et vous pouvez bien sûr aussi jouer. Je vous mets le post avec l'énigme, avec la colle dans une minute sur le Facebook de l'émission, facebook.com/M-I-K-L officiel. Voilà, comme ça vous allez pouvoir lire la colle. Ça peut parfois aider hein, de lire la colle. On fera ça donc dans quelques minutes. Et puis si vous avez la bonne réponse et que vous passez l'antenne, vous repartirez soit avec la GoPro Hero 3 Plus Black Edition, soit avec bah, tout simplement le casque Beats by Dre. Gabriel, et si personne ne trouve, c'est toi qui gagne, ok? Allez, ça va. Bon, on te reprendra plusieurs fois avant la fin de l'émission. Et Gabriel de Marseille, là, c'est quoi ce score des Marseillais, là? Vous êtes sérieux avec ça? Allez, Paris! Non, faut pas dire ça, je vais raccrocher. Non, mais attends, c'est pas sérieux là quand même là. Vous meniez deux buts. Mais vous meniez deux buts, et puis après il y a eu Nice qui a mis 4-2. Puis vous êtes revenu à 4 et Nice en a mis un 5ème, sans déconner quoi. Ah ouais, c'était bon, gros déjà, match quand ça même. Fait des matchs où il y a pas mal de buts. Quoi. Bah ouais, mais enfin bon. Ouais, mais bon, là en même temps il y a eu pas mal de buts, mais pas l'avantage de Marseille. Donc au final. Oh là là. Enfin bon. Bon, écoute, on n'est pas par là pour parler de foot, hein, Gabriel, bon, voilà, c'est pas grave. Ouais. Reste avec nous, Gabriel. On va reprendre la colle dans quelques minutes. Vous savez ce qu'il faut faire, hein, si vous voulez faire la colle, il n'y a pas de problème. Et puis on va reprendre Lucas également avant de s'écouter le son de Tony Junior au cœur d'une heure sans pub. Lucas, t'es de retour? Ouais, je suis là. Bon, très bien. Alors, Lucas, on fera des appels avec Dov, bien sûr. Et puis ce soir, ce sera le jeu de la rupture, comme chaque mardi soir. Lucas, pour ceux qui viennent d'arriver, de quoi on parle avec toi? Ben en fait, il y a un gars qui a raconté des mythos à la meuf que j'aime. Oh, d'accord, ok. C'est méchant. Mais tu l'aimes, genre tu sors déjà avec elle ou pas? Non, je veux sortir avec elle en fait. Ah, t'aimerais sortir avec elle. Et en fait, il fait ça parce qu'il veut la pécho avant toi? Mais non, ça, je sais pas pourquoi il fait ça en fait. Si, ça c'est sûr qu'il veut essayer de te niquer le plan quoi. Il est jaloux. Ouais. Ah, je pense, ouais. Je sais pas. Ah, si. Croisons mon expérience, c'est des salopards les mecs. Hein. Malgré ce dur, ils disent que c'est bien sûr, c'est tes meilleurs potes, mais derrière, ils sont jaloux. Il va tout faire, il va dire, mais non, t'inquiète, elle est moche, c'est une pute, elle couche avec tout le monde. Et puis toi, tu vas dire, ouais, c'est vrai et tout, tu vas la lâcher, et 2-3 mois après, tu vas voir que le mec, il est en train de la serrer. Non, mais franchement, je l'aime vraiment, en fait. Oui, mais non, mais et ça, bah, on veut bien croire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, tiens, on va en parler, d'être en kiff sur un mec ou une meuf et d'avoir quelqu'un qui racontait n'importe quoi sur vous pour vous dégager et avoir la priorité, tiens, ça peut être pas mal. On va en parler, ne bouge pas, Lucas, on va en parler maintenant. 01 42 48 5000, appelez-nous. 02 851 4x0 également. Ah oui, oh là là, j'ai failli oublier. Quoi? Faut que je vous mette sur le Facebook une meuf qui est fan de polo, apparemment. Oh, c'est génial. On a failli pas s'en remettre avec Polo. Oh là là, ils ont parlé de ça dans le bureau pendant une heure, j'en avais marre. Non mais je vais vous la mettre. Mais c'est énorme. Je vais vous la mettre sur le Facebook, le Twitter et l'Instagram. Je ne sais pas comment s'appelle cette charmante de moi. Bon, en même temps, on sait pas si elle est charmante parce qu'on voit pas sa tête. Mais arrête, là, tu t'entends de mieux. Bah attends, mais avec le corps qu'elle a, elle peut être que charmante. Après, je sais pas. Mais donc, elle a levé le t-shirt. Donc, elle est en soutien-gorge. Hein, elle est pas walpée non plus. Et elle a mis sur son ventre où elle a un petit piercing sur le nombril. Elle a marqué Polo, je te kiffe. Ce qui me donne un coup de jalousie quand même, évidemment. Hein, mais bon, après. Ça fait tellement longtemps qu'il demande à des meufs de lui envoyer des photos comme ça, c'est la première, ça y est, c'est fait, il est au taquet, il est content. Hein. Ah, il est content, c'est-à-dire qu'il s'est tapé la tête contre le mur 20 fois. Ah bah là, il a fait un trou, c'est pour ça qu'on a plus de lumière dans le studio, c'est parce qu'il a tout cassé. Donc, je vais vous mettre la photo sur le Facebook de l'émission, vous allez me dire ce que vous en... Bon, en même temps, c'est même pas la peine de nous donner votre avis, hein. On sait très bien que c'est bien, donc... Mais bon, vous allez pouvoir, ne fût-ce que profiter du menu. Voilà. Propre, hein, soyez, et des pensées propres. Hein. Évidemment. Donc voilà, facebook.com/michaelofficiel, je vais vous mettre la photo dans quelques minutes. En tout cas, merci à elle. Alors, je ne sais pas qui a pris la photo, parce qu'elle n'a pas pu prendre la photo tout seul. Donc si c'est quelqu'un d'autre, sa sœur, sa copine, son mec, bon, sa ça c'est un mytho. Oh non, pas sa mère. Oh, pas sa mère. Donc voilà, on va mettre ça dans un instant, et puis on en reparlera. Et si vous voulez envoyer d'autres photos à Apollo dans le même genre, il sera ravi, bien entendu. Valide d'abord, michael@funradio.fr. Je suis la censure de Apollo, je m'occupe de tout. Ça, moi. Bon, allez, je vous l'avais promis, on est au cœur d'une heure sans pub, ça c'est la bonne nouvelle. Et puis on va s'écouter le son de Tony Junior maintenant sur Fun Radio, Twerk Anthem. Il y aura Fatboy Slim aussi avec Hit, Sleep, Rave, Repeat. Et comme je le disais tout à l'heure, on jouera ensemble pour vous offrir vos casques Beats by Dre. On va jouer au jeu de la rupture. Si vous voulez jouer avec nous, vous nous appelez, le standard également. Il est 23h13, c'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h. Bienvenue. Le son de Tony Junior sur Fun Radio, c'était Twerk Anthem sur Fun Radio. Allez, soyez les bienvenus si vous êtes arrivés. Il y a un message de Gagasmi qui dit ça y est, sans avoir vu la photo dont tu viens de parler, ils bandent déjà tous. Et attendez, vous avez pas vu la photo les enfants. Ouais. Hein. Oh là là. Et je vous dis, Polo ne s'est pas remis de l'après-midi. Hein. Ah mais je suis encore. Alors heureusement. Il l'a mis en fond d'écran, en fond de son iPhone, en fond de tout. Heureusement que ce midi j'ai mangé un truc extrêmement dégueulasse qui me calme pour l'année. Ah putain, ce midi on va au resto, t'aurais kiffé Polo. Tof. On va brasser une pizzeria quoi avec Polo et un connard qu'on a un ami commun. Qui s'appelle David. Ouais. Et donc, David, bien sûr, voilà, c'est ça. Et donc, Polo mange des commandes une pizza 4 fromages. Et voilà que le mec, il arrive. Il m'a dit, c'était horrible, horrible. Et en fait, c'était quoi, du maroilles? Ils ont mis du maroilles dessus, mec, ouais. Il a mis du maroilles sur la pizza, donc ça puait. Et le serveur qui arrive, qui avait l'air d'être le directeur ou le patron, qui dépose, dit Ah, mais ça sent fort, hein. Le maroilles sur du chaud, c'est dur. Hein. Mais pourquoi tu le mets? Et après, on le démonte. Polo, même lui qui adore le fromage, il avait enlevé le maroilles parce que c'était pas possible. Et en fait, le mec, après, quand il vient enlever les plats, il dit Ouais, non, mais ça va pas du tout le maroilles et tout, c'est trop chaud, c'est violent quand même. Ouais. Mais pourquoi vous le faites alors? Ouais, mais vous êtes le dernier. Après, on le fait plus. Merci alors, mais c'est cool. Immangeable. J'ai tout enlevé, ça puait. D'ailleurs, voilà. On l'embrasse, c'est le moulin d'Auteuil, au port d'Auteuil, à Paris, comme ça, voilà. Je m'attendais à ce qu'ils nous disent. Bon, on vous fait la pizza gratos parce qu'elle était scandaleuse. Oh, mon cul, ouais. Ils l'ont fait payer deux fois, comme ça, la dernière. Minimum. Bon, il y a Kylian qui dit un vrai plaisir de vous écouter. Bisous à toute l'équipe. Merci, Kylian. Et FDP sans pression. Kylian et Paris, Polo, maire de Paris. Vu que Paris, c'est la capitale du monde, il fait un gars digne de ce nom. Le changement, c'est Polo. Vous emballez pas, hein, vous emballez pas. Il y a Jérémy aussi, Jérémy Titi qui dit oui, en kiff sur une fille. Mon ex-meilleur ami a parlé et je l'ai pas eu. Oh, l'enculé. Et un message qui dit aussi coucou toute l'équipe de de Mickaël. Je vous écoute tous les soirs dans ma voiture avec mon copain. Et à ce moment, en ce moment même, posé sur le parking du karting au Berlin, envoyez-moi un sextoy dédicacé. C'est Dadou du 54. Bah, on peut éventuellement, Dadou, mais appelle le standard si tu veux, là. 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Puisqu'on n'a pas offert de sextoy hier et avant-hier, puisque le Twitter marche plus. Enfin, si, il marche encore, mais c'est le programme qui sert à la compteuse. Ouais, le programme qui sert à compter les tweets qui ne fonctionnent plus. Et donc, les sextoys à faire pas un. Passagedudésir.fr. Bien entendu. Pourquoi on met pas le stagiaire à compter les tweets? Ah bah oui, c'est vrai, ça, il pourrait faire ça. Il pourrait compter un tweet, deux tweets, trois tweets, quatre tweets. C'est comme les petits moutons vers ça. Bon, j'en parlais au début de l'émission là. Le site de rencontre pour personnes des gens en couple, Glidden, vient de sortir un sondage sur les gens qui trompent. Et en France, 55% des hommes et 32% des femmes ont déjà trompé. Oh, c'est pas mal. Oh, les vilains. Bah oui, oui, c'est ça, Tof. Mais ça, ce sont ceux évidemment qui l'ont fait. Mais le pire, ce sont ceux qui ont pensé mais qui n'ont pas encore réussi. 76% des hommes y ont déjà pensé. Ah oui. Ah oui. Ah ouais. Et 67% même. Des femmes ont déjà voulu tromper leur mec. Non. Ah oui. Donc c'est quand même énorme. C'est ça, donc en fait, les gens qui font « Oh non, non, non, machin », ils ont déjà pensé à tromper. Ils y ont déjà pensé, effectivement. Donc alors, venez nous dire si vous avez déjà aussi peut-être voulu tromper votre mec, qu'est-ce qui vous en a empêché? Et pareil, si vous êtes un mec, est-ce que vous avez voulu tromper votre copine? Et si vous ne l'avez pas fait, qu'est-ce qui vous en a empêché? Ouais, mais j'y pense, ça veut surtout dire qu'en fait, il y en a la moitié qui n'ont pas réussi à tromper. Ils avaient envie mais ils ont pas réussi. Oui, ou peut-être qu'ils sont arrêtés là, tu vois, ils ont peut-être dit bon allez, je vais réfléchir, je vais pas faire de conneries, j'ai pas tout gâché, enfin tu vois, j'en sais rien. Est-ce que penser à tromper, c'est tromper? Non, bah non, pas déconner. Ah, mais on peut mais aller loin. Avoir, mais non, tu peux avoir des fantasmes, c'est pas parce que tu fantasmes, pas parce que t'es avec une meuf que tu fantasmes sur une actrice, un mannequin ou même une autre meuf que t'as vue dans la rue, que d'office tu trompes ta meuf, c'est ce qu'elle dans l'imagination ça. Il y a des meufs comme ça. Ah bah il y a des meufs qui vont mal le prendre. Mais c'est comme un mec qui se branle ou qui se non mais c'est vrai qui se mate un film de cul ou qui se branle tout simplement tout seul, il y a des meufs qui vont prendre ça comme si elles avaient été trompées. Non, c'est un plaisir différent. Ah ouais, c'est enfin, vrai. Moi je trouve après, hein, chacun son avis, mais on peut en débattre, cela dit. Hein. Bon, vous m'appelez si vous voulez, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Il y a Mélissa qui dit je te veux toi. Je ne sais pas qui elle parle, Mélissa, mais si c'est à moi, c'est gentil, Mélissa. Amanda aussi qui dit pour la colle, c'est la limace. Bah je sais pas, attends, on va en parler justement, tiens. Allô, Gabriel. Ouais. Bon, très bien, Gabriel. Alors, répète la colle, s'il te plaît. Alors, la colle, donc quel animal a un pied, deux sexes et un seul poumon? Voilà, quel animal a un pied, deux sexes et un seul poumon? Il y a des messages qui est arrivé là, notamment la limace, est-ce que c'est la bonne réponse ou pas? Non. Non, d'accord, ok, très bien. Bon, bah, si vous avez, bah oui, non, j'ai déjà proposé. Ah ouais. Ouais, j'ai déjà proposé, ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse. On proposait un hippocampe. Non plus. Non plus, bon bah très bien. Bon, on sait que c'est un animal déjà, c'est déjà ça. Voilà. Animal ou insecte ou animal? Hein? Non, animal, non, c'est un animal. Un animal. Bon, bah, si vous avez la bonne réponse, ça existe, a priori, hein. Quel animal a un pied, deux sexes et un seul poumon? Vous avez la bonne réponse, tant mieux. Peut-être que vous repartirez avec, tout simplement votre casque Beats by Dre ou alors la GoPro Hero 3 Plus, la Black Edition qu'on vous offre. Et on vous l'offre, ça vaut quand même 450€ et on vous l'offre si vous avez la bonne réponse. Vous choisissez soit l'un, soit l'autre cadeau, tout simplement. Vous envoyez M-I-K-L par SMS au 64 900. Ou alors au 63-22 depuis la Belgique. Et vous pouvez bien sûr jouer aussi depuis le Facebook. Venez nous rejoindre également. Hein. J'ai fait une petite photo où on voit les deux appareils. Là, les deux, la GoPro et le casque Beats by Dre qu'on a en stock, évidemment, puisqu'on vous les offre. Vous allez sur facebook.com/mikaelofficiel. Et je vais vous mettre la photo de cette charmante demoiselle qui nous a fait une petite photo de son ventre. Avec un très joli soutien-gorge, d'ailleurs, cela dit au passage. Je te sucerai les seins. Donc voilà, je vais vous la mettre sur le Facebook dans quelques minutes. Envoyez pour notre ami Polo, pour une fois. C'est vrai. Voilà, c'est beau, hein. Oh, arrête de me faire manger. Ah bah oui, mais enfin bon, écoute. Oh, j'aime le sperme. Mais je sais pas, on sait même pas comment elle s'appelle, la fille. Est-ce que tu pourrais me faire un baiser à la coque, s'il vous plaît? Écoute, le message est passé, après, hein, je sais pas, on n'en sait pas plus. Bon, il y a Clément qui dit « Coucou toute l'équipe, tu viens de parler de pizza, je travaille dans la meilleure pizzeria de Paris, je vous attends pour avoir votre avis, ce sera avec plaisir de vous servir. » Ah bah mec, alors là, en plus t'es pas loin de là où on habite, donc pas de problème Clément. Tu prends les infos, Tof? Mais bien sûr. Parfait, on ira demain. Romain, tiens, voilà. Oh, Fabienne aussi, qui dit tant qu'il n'y a pas de passage à l'acte, il n'y a pas de tromperie, mais ne serait-ce qu'un baiser, c'est de trop. Oui, mais c'est un passage à l'acte, Fabienne. Il y a n'est-ce pas qui dit la fidélité est en option aujourd'hui. Mais non, c'est faux. Jojo aussi. Jojo est en option quand on voit les scores de Glidden. Quand on voit les stats, ouais. Jojo 78 qui dit non, moi je n'ai jamais trompé un de mes mecs et rien ne m'en a empêché. Et Gwenaël qui dit salut, ça fait une semaine que je vous écoute et je vous adore. Mais merci Gwen en tout cas et sois la bienvenue surtout. Gabriel, on te récupère avec la colle dans quelques minutes. Retour avec Lucas également là, qui nous raconte en fait qu'il en kiffe sur une meuf, c'est ça? Ouais, ouais. Voilà, et en gros, il y a un mec qui raconte des conneries sur toi à cette meuf dans le but qu'elle ne s'intéresse plus à toi. C'est ça. Voilà, bon. Alors, qu'est-ce qu'il a raconté exactement là? Rappelle-le nous. Ben, en fait, il a dit que si je voulais pas sortir, enfin, si la meuf elle voulait pas sortir avec moi, je ressortirais avec sa cousine. Attends, donc si la meuf. Attends, parce que le mec en fait ne veut pas. Attends, donc tu kiffes une meuf. Ok, jusque là, on va essayer de schématiser parce que bon, tu kiffes c'est une pas meuf. Pas très clair. Bah ouais, tu kiffes une meuf. Ok. Ouais. T'as envie de sortir avec elle. Voilà, c'est ça. Il y a un mec qui a été dire à cette meuf que si elle ne sortait pas avec toi, t'irais te taper sa cousine à elle. Voilà, c'est ça. Mais ça n'a pas de sens. Au contraire, ouais. à la limite, il te fout pas le plan en l'air. En fait, au contraire, il essaie de l'accélérer. Non, mais en fait, sa cousine, je me suis déjà sorti avec. En fait, que en tu gros, ressortiras avec la cousine. Bon, bah voilà, t'as qu'à dire ça. à la meuf que t'as envie d'avoir, que t'as pas envie de sortir avec sa cousine et qu'elle raconte n'importe quoi. Voilà, je lui dis, mais elle croit à l'autre mongol. Bah oui, mais bon, bah, c'est que c'est une mongole aussi, alors. Hein. Ça fera un bon couple de mongols. Ah oui, c'est clair. Non mais bon, il y a un moment où faut dire les choses. Si elle te croit pas, il y a pas d'autre solution. Elle te croit pas. Parle-lui. Bah, qu'est-ce que tu veux faire? En plus, c'est bientôt la Saint-Valentin. Vas-y, on voit lui des fleurs. Fais, je sais pas. Ouais. Non mais c'est vrai. C'est un peu naze les fleurs. Attends, qui c'est qui offre des fleurs de nos jours? Elles adorent ça. Mens-leur et offre-leur des fleurs. N'importe elles adorent. Mec, c'est ma meilleure technique. Bah oui, ça. Il a l'abonnement d'ailleurs chez le fleuriste. Top, il a aussi le nounours. Après, quand il a connu un peu, il offre le nounours et puis après des pompes. Voilà, c'est ça, voilà. Exactement. Mais des pompes avec un long talon, des loups boudins, et c'est uniquement pour prendre le talon dans le fion. Voilà, sur la croix, offert par. Passage du désir.fr. Je sais pas ce qu'ils viennent faire là-dedans, mais d'accord. C'est pas grave. Bon, Lucas, tu veux qu'on appelle ta copine peut-être? Ouais. Bon, on va faire ça dans un instant. Reste avec nous, Lucas. On va également reprendre Guillaume, là, qu'on a eu hier en fin d'émission de Saint-Hilaire. Salut, Guillaume. Salut. Comment ça va? Bien et vous? Bah oui, on va plutôt bien aussi, Guillaume, tranquillement là. On va se faire dans quelques minutes le jeu de la rupture avec Mathieu et Mickaël qui vont jouer. Et puis Guillaume, on va parler de quoi avec toi? De ma copine en fait qui ne fait pas confiance et du coup on ne peut pas se voir les week-ends quoi parce que elle a peur que je la trompe et voilà. Voilà. Aux appels et c'est compliqué quoi. Et donc elle a peur que tu la trompes et du coup elle ne répond plus aux appels. Voilà. C'est original comme manière. C'est logique. Bon écoute, on va l'appeler aussi dans quelques minutes, tu restes avec nous? D'accord, ok. Bon, allez, restez là tous les deux d'ailleurs. On va se faire le jeu de la rupture dans quelques instants. Et puis on va se faire aussi le son de Fatboy Slim, Eat, Sleep, Rave, Repeat. Juste après, on fera les premiers appels de Toff. Tu vas poser quoi comme question du coup? Bah, je demandais s'ils ont déjà pensé à tromper. Ah bah oui, je suis con, bah évidemment, avec l'info Glidden là. Évidemment. Quelques minutes sur Fun Radio. Restez là. C'est Mickaël No Limit là, 23h27. On est en direct jusqu'à 2h du mat. Si vous débarquez pour la première fois sur Fun Radio et puis que vous écoutez l'émission pour la première fois, soyez les bienvenus. Sachez que vous avez enfin trouvé votre maison. On est ensemble jusqu'à 2h du mat. Il y a enfin un truc à écouter à la radio et c'est le soir sur Fun Radio que ça se passe, le dimanche également de 20h à minuit sur Fun Radio. Le son de Fatboy Slim sur Fun Radio, Hit, Sleep, Rave, Repeat. Il est 23h30, on est en direct sur Fun Radio et ça y est, je viens de mettre la photo. Je n'ai mis aucun effet, hein. Je me suis dit que j'allais la mettre au naturel. Mais ouais, c'est mieux, ouais. Parce que déjà au naturel c'est plutôt pas mal. No filter. Là, no filter, exactement. J'aurais dû l'ajouter, tiens, no filter, voilà. Donc allez voir facebook.com/emickaelofficiel et voilà, comme je l'ai dit, dommage qu'il soit marqué Polo et pas Mickaël. Je trouve que ça aurait été vachement plus logique. Ouais, mais bon, qu'est-ce que. Non, c'est vrai. En fait, c'est une fille qui a relevé son t-shirt, pull, je sais pas. Donc du coup, soutien-gorge, très charmant d'ailleurs, ouais. Avec marqué Polo, je te kiffe. Et le petit piercing là. Et voilà, donc Polo, ah, il l'a mis en grand écran là. Et vous avez remarqué, il y a deux tatouages. Il y en a un en haut à droite et un en bas à gauche. Ah bah là, il peut. Ah, la Polo, il surkiffe. C'est dommage qu'on voit pas les cheveux, Polo. Hein. Ah mais oui, c'est ouais. vrai que c'est un détail que j'aimerais bien. On ne sait bien. Pas si elle est blonde ou brune du coup, c'est dommage. On ne sait pas si elle a assez de cheveux pour que Polo puisse s'essuyer dedans. Et oui, exactement aussi, ouais, c'est ouais. vrai, c'est vrai. Donc bah ouais, allez voir facebook.com/mikaelofficiel. Donc voilà, attention, c'est sexy, je ne tolérerai aucune vulgarité. Pute, machin, parce que ça n'a rien à voir, c'est Polo qui arrête pas de le demander. Donc tous ces messages-là, je les dégagerai parce que ça n'a pas de sens pour le coup, c'est juste sexy, c'est pas dégueulasse porno, tout ce que tu veux, etc., etc. Donc seuls ceux qui vont râler, ce seront les jaloux. Et ces jaloux-là n'ont rien à faire là, évidemment. Bon, d'ailleurs, je tiens à remercier également un auditeur qui... Attends. C'est Julien qui m'a envoyé une photo d'un beat bien gras où il y a marqué « Tof, je te kiffe ». J'aime beaucoup. Ah oui, bon, on a les auditeurs qu'on mérite, Tof. Hein. C'est regarde, vrai, Polo c'est et vrai. Moi, on a des bimbos. Tof, lui, c'est pas le cas, mais ça arrive. Ça viendra, Tof. J'ai décidé... Mais ouais. J'ai pris une grande décision hier, j'en ai parlé à Tof. 2014, je vais sauver Tof. Ah bah c'est comme, beau ça. Je comme sauver Willy. Ah bah oui. Je vais faire de cette baleine quelqu'un de bien. Ah bah écoute, c'est pas gagné. C'est un cachalot. Ouais. Il y a Marjolaine qui dit putain Polo, il doit bien bander là. Ah bah le cochon là, je te confirme. Alors là, voilà. Non, je bande pas comme ça. Attendez, ah bah attends, mais le bureau du studio est de travers maintenant. Ah bah complètement, complètement. Il y a Paul qui dit putain mort de rire, il gère le Polo Paul ouais. PC 28. Bon bah allez voir hein, facebook.com/mikaelofficiel. T'as été voir toi Lucas ou pas là? Ouais ouais, elle aurait dû enlever son soutif quand même. C'est ça. C'est cru ou Lucas 14 ans hein. Espèce de cochon va. T'as été voir toi ou pas Guillaume? Non. Ah bah il faut aller voir là sur le Facebook, j'ai mis sur le Twitter également. Tapez hein. mikaelofficiel Mathieu qui est avec nous, t'as été voir ou pas? Ouais, je suis allé voir. Ah et alors? Ah ouais, c'est sexy. Hein. Ah bah ouais, c'est sexy, ouais. Bah oui, là, il s'en remet pas là le Mathieu. Et toi Mickaël? Non, je suis dans mon compte, donc j'ai pas un pari, il est chez mes parents. Ah merde! Et toi Gabriel? Et ouais ouais, moi j'ai été voir. Plutôt et alors sympathique, hein. Comment? Plutôt sympathique. Ah ouais, mais ça c'est mes auditrices, ça. Qu'est-ce que vous croyez? Ah ouais. Ouais, attention, don't touch. Je gère. Partager, je suis là, hein. De quoi? Il veut partager, je suis là. Ah oui, non, bah non, moi je partage toi, pas. On partage pas, ouais. Oh là là, et on est les plus gros égoïstes du monde, t'inquiète. Bon, Gabriel, reste avec nous, bouge pas, on va faire les appels avec Tof, puisque donc il est ravi, il est content, parce qu'il y a Glider qui a sorti un sondage là qui. Enfin, qui... la vérité éclate. Mais oui, les gens qui trompent en France, 55% des hommes, 32% des femmes, et surtout le pire, ceux qui ont déjà pensé à tromper mais ne l'ont pas fait, 76% des hommes et 67% des femmes qui ont déjà voulu tromper sans avoir été plus loin. C'est ouf. Mais oui. Enfin c'est la vérité folie éclate. Ouais, la vérité éclate, ouais. Enfin bon. On admet. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler des gens hein, grâce au numéro que vous avez envoyé comme tous les soirs sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. On va donc les appeler pour voir ce qu'ils pensent. Ils ont déjà pensé tromper. Voilà. Ils ont déjà envisagé la question. Voilà. Donc on y va, on appelle maintenant, c'est parti. Merci pour tous les numéros que vous avez envoyés depuis hier d'ailleurs. On y va. Tu auras Jason Derulo aussi avec Marry Me. Allô ? Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez déjà pensé à tromper votre mari. Et des blagues comme ça, vous en avez beaucoup. Mais c'est pas une blague, madame, c'est une question. Bah, vous la gardez, votre question, ok ? Bah non, répondez à ma question, madame, enfin, s'il vous plaît. Vous êtes trop mignon. Bonsoir. Bah, attendez, allô ? Oh ! Et je trouve ça bien, elle a dit quelque chose de tout à fait correct et... Elle a dit que j'étais mignon. Ouais, c'est ça, ouais, tu parles. Elle a dit c'est trop parce mignon que, même. C'est justement, c'est parce que le téléphone n'est pas la visiophone. Ah merde. Et ouais, ouais. Bon, on va la rappeler, la petite dame là. Je suis sûr qu'elle va dire vachement plus de vérité maintenant. Enfin, j'espère. Allez. Pas de faire foutre, pauvre connard. Mais tu veux quoi, toi? Bah, juste savoir si vous avez déjà pensé à tromper votre femme. Et toi, tu as déjà pensé à tromper ta mère? Je vois pas le rapport, monsieur. Et je vois pas le tien aussi. Bah moi je veux juste si savoir. Tu veux, t'appelles, tu casses les couilles aux gens. Mais pas du tout, moi je veux juste savoir si vous avez déjà pensé à tromper votre femme. Et toi, t'as pensé à tromper la tienne? Bah j'en ai pas. Tu me demander si moi j'ai déjà pensé à tromper la mienne. Bah moi j'en ai pas, monsieur. Et t'en as pas, ben va la rue Curieux, tu te fais enfoncer par des PD, tu verras, t'en auras plein de femmes. Mais enfin monsieur, c'est pas gentil ce que vous me dites. Et alors, tu trouves que c'est gentil ce que tu me dis là? Bah oui, moi je vous ai juste posé une question gentille. Et arrête de me faire tes jeux de mots, trimar, que tu es. À moi, tu sais de m'emboucaner, mais tu es un fada, toi. Mais j'essaye pas de vous emboucaner, monsieur, je veux juste savoir... Mais tu sais faire quoi, alors? C'est de me casser les couilles? Mais non, je veux juste savoir si vous avez déjà essayé de tromper votre femme, c'est tout. Et toi, tu as essayé déjà de tromper la tienne? Et oui. Il a essayé, il a pensé à déjà tromper ta mère? Mais je vois pas le rapport, monsieur. Moi, je vous pose la question à vous. Mais qu'est-ce que ça, dis-moi, t'as que ça à faire, casser les couilles aux gens? Bah non, moi je veux pas vous casser les couilles, monsieur, je veux mais juste savoir... Mais tu m'appelles, qu'est-ce que tu veux? Bah juste savoir si vous avez déjà pensé à tromper votre femme, c'est tout. Non. Bah voilà, vous voyez, vous savez, c'était suffisait de le dire. Et pourquoi tu me casses les couilles alors? Bah je vous casse pas les couilles, monsieur, je voulais juste savoir, c'est vous qui m'étiez mis là à répondre. Mais oh, mais pourquoi tu m'appelles alors? Bah c'est tout, là on raccroche, monsieur. Et voilà, et tu es content? Bah oui. Ça y est, tu as appelé quelqu'un, tu as dit ta question de merde et tu es content là, ça y est. Bah oui, vous avez répondu, alors je suis content. Ah ouais? Bah oui. Eh ben c'est bon, tu te coucheras moins bête ce soir alors. Bah voilà, monsieur. Tout à fait. Bon, ben on se souhaite une bonne soirée. Allez, ciao. T'as vu? Finalement, le fils ou le mari était quand même vachement ouais, plus ouvert hein, que oui, la mère. Oui, tu vois, il a répondu tout ouais, de suite. Ouais. Non, franchement, ça se passait beaucoup mieux là. Tiens, on appellera d'autres numéros également tout à l'heure. N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer des numéros sur le mail de Tof, toph@funradio.fr, de gens encore debout à cette heure-ci, évidemment. Il y a Jason qui dit « Polo, tu peux partager tes fans ?» Non. C'est Camille pas les miens. Qui, je suis jalouse de la meuf, moi aussi je te kiffe, Polo. Il y a Laura qui dit « Je suis amoureuse. » Bon, c'est pas de qui, malheureusement. Il y a Tom qui dit « Polo, l'ami, t'es gâté, dis donc. Hein. » Ah oui, là, c'est sûr. Hein. Il y a Joss qui dit elle a soulevé son polo. et Cédric qui dit phrase culte dite par Mickaël, restez à la radio, il y a enfin quelque chose de bon à la radio. Bah oui, effectivement, c'est le cas. Enfin, je pense, si vous dites que c'est pas le cas, tant pis. Et Xavier qui dit je n'ai jamais trompé mes petites amies et non, sucer n'est pas trompé. Ah bah voilà pourquoi tu l'as jamais trompé, parce que tu te fais pomper ailleurs, mais au final pour toi c'est pas grave. Il a su mettre des barrières. Ah ouais, complètement. Ouais. Bon, allez, on va se faire le jeu de la rupture maintenant avec Mickaël, avec Mathieu. Ça va les mecs? Ouais, ça va, tranquille. Et toi? Bah écoute, depuis qu'on a vu la photo de l'auditrice, là, oui, je peux confirmer qu'on va bien, ouais. Ouais, c'est étonnant qu'elle a marqué ça sur son corps. Hein. Attends, j'ai pas compris. Tu dis quoi, Mathieu? J'ai dit, c'est étonnant qu'elle marque ça sur son corps, étant donné la tête de Toff. Mais c'est pour ça qu'elle a écrit Polo. Ouais, mais c'est Polo, en fait. Elle a mis Polo, je te kiffe. Ah, j'avais pas vu. En fait, tu sais pas lire. Voilà, mais je crois qu'en fait, elle a dû se tromper de prénom, en fait. Elle a voulu dire Mickaël et le marqueur a mis. Ouais, voilà. Je pense qu'il y a eu des problèmes au niveau de à ce niveau-là. Enfin, je pense en même temps, je pense. Bon, bah, c'est pas grave après, hein. Non, rien n'est grave. Non, c'est pas grave. Je suis sûr qu'elle va se rattraper. Je suis sûr qu'elle fera mieux, mais bien sûr. Bon, Mickaël, alors, on va jouer au jeu de la rupture avec Mathieu. Le principe est simple, on va appeler des gens au hasard. D'accord. On va appeler des gens au hasard. Le but donc c'est d'arriver à avoir une discussion de rupture avec la personne qu'on va appeler, la plus longue possible sans qu'elle raccroche, d'accord? D'accord. Qui veut commencer, Mathieu ou Mickaël? Mathieu. Mathieu, très bien. Mickaël, c'est à toi. On y va, premier appel, c'est toi qui démarres. Dès que t'entends plus de musique, tu dis allô, ok? Mickaël, okay. Allez, oui, c'est parti, on y va. Dès qu'il n'y a plus de musique, tu dis allô, je compte sur toi. Et il faut tenir le plus longtemps possible. Allô? Allô? Allô? Allô, oui. Ouais, tu m'as envoyé un message et tout, et donc tu m'as trompé et tout, donc tu vois, voilà. Donc tu m'as trompé, voilà, donc, quoi. Je suis triste, je suis déprimé et tout, tu m'as trompé avec un autre mec et tout, voilà. Elle a raccroché, là. Ah mais 22 secondes, Mickaël, t'as été bon, hein. Wow. Ah oui, oh. Oh là là, au taquet. Bon, Mickaël. Ah bah, j'essaye. Mais oui, mais c'est bien. Bon, attends, il y a Mathieu également là qui va tenter sa chance. Mathieu, faut faire mieux que 22 secondes. Okay. Autant dire que ça m'a pas trop l'air d'être compliqué, hein. Ouais, c'est facile. Je pense. Bon. Après, ça dépend sur qui je tombe. Oui, bah ça c'est évidemment c'est le but. Hein. Bon, on y va, on appelle, c'est parti, Mathieu. Pareil, hein, dès qu'il y a plus de musique, tu dis allô. Et le but, arriver à tenir en l'occurrence plus de 22 secondes pour prendre la tête, Mathieu. Ouais. Et je rappelle que c'est un casque Beats by Dre à gagner. Okay. Bonjour, vous êtes sur la messagerie. Attends, parce que c'est le répondeur, on va prendre un autre numéro là en speed. On va le mettre dans le standard et on va l'appeler directement, Mathieu. Attention, on remet le couvert et c'est la colle aussi qui va suivre avec Gabriel. On donnera la réponse vers minuit. Allez, c'est parti, bonne chance, Matt. Ouais, merci. Ouais. Allô? Non, il t'a raccroché au nez là. 0 seconde. On est bon ou pas là? Tu es au top. Ah ben là, attends, on en appelle à l'autre. On en appelle à l'autre du coup. Attends, bouge pas. Hop là. Attends, pourquoi ça marche pas? Attends. Hop là, c'est parti, on y va, on en appelle à l'autre en speed. Merde, c'est occupé, hein. Hop, un autre numéro là. C'est parti, on y va, on va remettre un autre numéro, Mathieu. Ne bouge pas de là. Vas-y, ça va bien se passer. Mickaël a fait que 22 secondes, pour l'instant, toi, t'en as fait 0. Hein, ce qui n'est pas terrible, terrible, Mickaël. Mathieu, pardon, je ne te le cache pas. Bah ouais. C'est pas de ma faute, hein. Ah bah oui, mais raccrocher, c'est raccrocher. Hein. Allez hop, on y retourne, vas-y. Faut faire mieux que 22 secondes. Ça va bien se passer, j'espère. Allô? Allô? Allô? Oui, c'est qui? Oui, attends, tu m'entends ou pas? Ouais, c'est qui? Ouais, parce que moi, je t'entends pas très bien, en fait. J'ai un truc important à te dire, en fait. Bah, déjà, je te souhaite la bonne année, ça va? Oh! Il a kiffé qu'il lui souhaite une bonne année. Là, c'est pas mal, Mathieu. 10 secondes. Eh ben, les deux plus beaux velles, on va faire la suite. Dans quelques minutes, restez là, je vous mets aussi Jason Derulo avec Marry Me. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Tous les soirs, 23h, 2h. Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Et on est en direct. Eh bah oui, on est en direct sur Fun Radio. Là, tous les soirs, on est là, en direct dans toute la France, dans toute la Belgique. Et pour nous appeler, deux numéros, enfin, un seul numéro, un pour la France, 01 42 48 5000, et un pour la Belgique, 02 851 4x0. Y a toujours la photo de la fan de Polo, apparemment, là, ouais, qui a dessiné sur son ventre Polo, je te kiffe. J'espère qu'elle va corriger son erreur rapidement. Non, c'est vrai. Non, mais c'est peut-être pas une erreur. Elle a le droit de dire kiff. Non, mais attends, elle a certainement dû mettre Mickaël. Je pense qu'elle a dû regarder ma tête et en fait, elle a dû voir ton nom. Du coup, elle l'a écrit bêtement. C'est possible, je sais pas. Peut-être, peut-être. Voilà. Bon, en tout cas, la photo est là et donc Polo ne s'en remet toujours pas. Hein. Ah non, moi je suis là, je suis bouillant sur bouillant. Bouillant, là, voilà. Chaud comme une baraque à frites, comme on dit. Bon, si vous voulez voir ça, c'est sur Facebook que ça se passe. Hein. Facebook.com/Mickaël officiel. Il y a Matt Gravity qui dit faire ses devoirs en écoutant Mickaël, impossible. Ah, pour avoir des bonnes notes, ouais, c'est clair. Hein. Ariel qui dit facile, qu'il disait pour faire mieux que 22 secondes, ben voilà ce qui arrive quand on fait le malin, ouais. Elliot également qui dit oh mais qu'il est mauvais. White Angel qui dit oh le mauvais. Paul PC qui dit comment est-ce qu'il s'y prend. Et Secret Key qui dit oh le mauvais également. Et Enora également qui dit je vous kiffe trop, vous êtes excellent, je peux plus me passer de vous. Merci Enora, c'est gentil. Flavien, salut, vous êtes plutôt une bonne équipe, je vous écoute tous les soirs, mais c'est gentil. Et Trend Lover également, malheureusement il n'y a pas de top tweetos, pourtant on tweet toujours, comme quoi on ne tweet pas que pour les cadeaux. Et je vous en remercie, c'est bien gentil à vous. Bon, on va faire la suite, on va récupérer Lucas avec un mec qui raconte des mythos sur lui à une meuf qu'il kiffe. On aura Guillaume également, c'est ça, avec sa copine qui lui fait pas confiance. Et la colle également avec Gabriel. Gabriel ? Oui. T'es là toujours, parfait. On va se refaire un coup de colle là, puisqu'on donne la réponse dans une grosse dizaine de minutes. Alors, fais péter la colle à nouveau. Quel animal a un pied, deux sexes et un seul poumon ? Quel animal a un pied, deux sexes et un seul poumon, c'est ça ? C'est ça. Bon, très bien. Il y a une réponse, c'est la moule de Sylvain sur le Facebook. Non, c'est pas ça. Non, un dauphin ou un champignon pour Yule ? Non. Non, c'est Théo. Un champignon, c'est un animal ? Non, pas faux. Il y a Théo qui proposait un pointeur, donc c'est pas un animal. Sébastien qui proposait, c'est un hippocampe. Non. On avait déjà dit. Non, le corail. Non. Et Nicolas aussi sur le Facebook qui proposait une huître. Non plus. Bon bah si vous avez si vous pensez avoir la bonne réponse, je rappelle qu'il y a une GoPro à gagner, la GoPro Hero 3 Plus Black Edition, et que je vous offre aussi, si vous voulez, enfin pas aussi mais c'est l'un ou l'autre, le casque Beats by Dre. Vous choisirez, pour ça il faut répondre à la colle de Gabriel, et pour envoyer vos réponses vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez bien sûr aussi, si vous le souhaitez, jouer via le Facebook, et là c'est gratuit. En plus vous pouvez même lire la colle, ça donnera peut-être de meilleures idées à d'autres, voire même pomper les idées des autres qui ont balancé des réponses, parfois mauvaises, parfois bonnes. Facebook.com/MIKL officiel. Gabriel, on te récupère dans un gros quart d'heure pour donner la réponse, d'accord? Ok. A tout à l'heure, Gabriel. Et avant d'écouter le son de Jason Derulo qui va débarquer, Marry Me. D'ailleurs, c'est ce que Polo propose également à la fille qui écrit Polo, je te kiffe, hein, ouais, sur son corps. Avec ou sans tête, je te prends. Tu m'étonnes. On va donc faire la suite du jeu avec Mathieu et Mickaël. Le jeu de la rupture, comme on fait chaque vendredi. Alors qu'on n'est pas à l'antenne le vendredi, je suis complètement con. Bah en plus, ouais. Comme on fait chaque mardi soir, donc. Mathieu qui avait donc fait un score magnifique de 15. 10 secondes. 10 secondes, temps, Mathieu, oui. En même temps, j'avais un mec, hein, moi. Et alors, ça veut rien dire, il y a des mecs, ça dépend comment ça se joue, ça dépend plein de trucs. Ouais, ça veut... Il m'a coupé direct. Hein. Ah bah ouais, mais ça c'est vrai. Ah ouais, mais tu lui souhaites la bonne année aussi, toi. En plus, ouais, c'est vrai. Pas le jeu de la bonne année. Non, il n'y a pas de chance et tout. Bon, Mickaël, bon, toi non plus, parce que 22 secondes, c'est pas la folie non plus. Ouais, donc on met 10 secondes, quand même. C'est vrai, c'est vrai. Bon, Mickaël, d'ailleurs on va continuer maintenant, on rappelle, c'est la deuxième manche, rappelle quelqu'un, si tu fais mieux que 22 secondes, eh bien on gardera le meilleur score des deux, bien entendu, et bah si après Mathieu bat ton propre score de ce soir, là maintenant, tu repartiras avec rien et Mathieu gagne le cadeau. On y va, Mickaël, t'es prêt? Ok, oui. Allez, je suis prêt. Hop, c'est parti, on rappelle, contre toute attente, Mickaël est en tête, et Dieu sait que c'était pas gagné, hein, cette connerie. Bon, dès qu'il n'y a plus de musique, tu dis allô. D'accord. Allez. Salut. Et demain il y aura le je t'emmerde également. Et puis je dis le canular, hein, si vous voulez jouer avec nous. Il suffit de vous inscrire. Bon, c'est pas grave, on va prendre un autre numéro. Ça décroche pas celui-là, Mickaël, là, t'inquiète pas, on en a d'autres en stock. Des numéros d'accord. De téléphone. Et s'il y en a qui sont encore debout, si vous savez que des gens sont encore debout, proposez vos numéros, hein, y a pas de problème. On prend tout nous, y a pas de problème. Allez, c'est parti. Vous appelez Sandro, hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Hey. Je le sentais bien pourtant celui-là. Maxime, allô, bonsoir. Oui. Allô, oui, bon, tu m'as trompé et tout, donc tu m'as envoyé un message, bon, donc de quoi tu m'as trompé et tout. Radio, t'as perdu. Oh l'enculé. T'as quand il l'a dit. T'as perdu. Et il a raccroché. Et du coup il a raccroché. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Ah il a pas joué. C'est un enculé. Au lieu de l'aider, de faire semblant, il lui a dit t'as perdu. J'adore. Oh, c'était bon ça. Bon bah, Mickaël, on va rester sur 22 secondes. Tout bénéf pour toi, Mathieu. Ouais, j'espère que je vais tomber sur quelqu'un de bien. Ah ben ouais, j'espère pour toi. En même temps, mieux que 22 secondes, sincèrement, si t'as un petit peu de chat, c'est faisable quoi. Mais ouais. Bon, on y va. Oh là là, j'en reviens pas, le mec. Bah t'as perdu, j'écoute la radio, écrase-toi. C'était bon ça. Tout bon. Bon, Mathieu, on y va, c'est parti. À toi de jouer, il faut faire mieux que 22 secondes pour gagner. Sinon, c'est Mickaël d'Orléans qui repartira avec le casque Beats by Dre. Et dès qu'il n'y a plus de musique, tu dis allô. Ouais. Allô? Allô? Oui, allô? Oui? Allô? Oui, tu m'entends? Oui? Oui, je veux dire un truc parce que là... attends, est-ce que tu m'entends bien? Parce que j'ai un truc à te dire hyper important. Allô? Oui. Attends, je t'explique. En fait, je suis un peu ému parce que pourquoi tu veux rompre avec moi en fait? J'ai pas bien compris. J'ai reçu tes SMS et je comprends pas pourquoi tu veux rompre avec moi. Hein? Explique-moi juste, j'aimerais juste comprendre. J'ai trompé de numéro, hein. Non, attends, coupe pas. Je t'explique. Je suis triste parce que tu veux rompre avec moi. Et je n'apprécie pas du tout, ok? J'en ai marre. Tu veux rompre avec moi, j'en ai marre, ok? Tu veux te faire sauter à droite à gauche, j'en ai ras le bol. Pas mal, tu veux ouais. Te faire sauter, c'est ton problème. C'est pas le mien. Alors t'arrêtes. Hein? Tu me fais flipper, là. Alors t'arrêtes de rompre avec moi. Arrête de rompre. Hein? Allô? Allô? Il est encore là pourtant? Non mais sérieux là, c'est quoi ce Bins? Il veut rompre avec moi. C'est quoi ce Bins? Hop là! Là il a raccroché 1 minute 02! Bravo Mathieu! Ah bah merci! Eh bah bravo! Bon ben voilà, bravo Mathieu, hein, c'est le casque Beats by Dre qui va aller direction Lyon. Bon ben Mickaël, c'était bien essayé, t'as quand même. Bon t'as pas eu de chance avec le deuxième, j'avoue. Hein. Non, tu peux faire une petite dédicace. Vas-y Mathieu. Dédicace à tous les élèves du lycée du Parc de Lyon et puis dédicace à tous les auditeurs de Fun Radio. Eh ben merci à toi Mathieu, merci pour eux, merci à toi et à bientôt Mathieu. Allez, à bientôt. Ciao Mickaël, bon bah écoute, ça arrive hein. Ouais, c'est normal. Mais ouais, non, c'est. Mais attends, mais putain, j'en reviens toujours pas là. J'en reviens pas, l'auditeur. Il y a Gladiatrice qui dit punaise, c'était puissant. L'autre qui lui dit bah t'as perdu. Let's Be Freeze qui dit j'écoute la radio donc t'as perdu. Et boum. Et Amélie qui dit j'écoute la radio donc t'as perdu. Mort de rire, trop fort. Jérémy Titi qui s'en remet pas non plus. Hein. Trop fort le t'as perdu. C'était juste super. Polo, il est chaud bouillant, c'est Gaël. Ah bah je confirme. Ça y est, chaud bouillant sur l'auditrice qui a envoyé une photo d'elle avec le ventre dénudé et le soutien-gorge. Je lui ai marqué Polo, je te kiffe. Il est comme un dingue. Il est plus que comme un dingue. Comme un dingue. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Mika? J'ai un problème. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as perdu, je sais, mais je parle pour toi, mec. Non, c'est autre chose. Je vois une fille samedi, j'arrive. Comment je pourrais faire? Bah, tu prends les transports. Bah, non, je veux dire. Comment je fais que. Non, je suis pas vite. Mais comment je fais pour discuter avec elle et tout? Bah, tu ouvres ta bouche, tu parles, mais je comprends pas la question. Comment ça, comment tu fais pour discuter avec elle? Bah, je suis trop timide. Mais non, mais t'es pas timide, tu passes à la radio sans problème, là, tu joues et tout, t'es pas timide. Alors, il y a une technique que Toff utilisait quand il était un peu plus jeune, quand il arrivait du mal à parler, il se pince les couilles. Ce qui fait qu'il y a comme une espèce de douleur, et en fait, ça, il parle normalement. Ah, mais c'est ça, Toff, non? C'est quoi cette technique? C'est inventé, là. Non, mais non, par contre, il faut dire la vérité, c'est vrai que si tu le fais, mais il faut bien malaxer les couilles. Oh, c'est dégueulasse. Mais non, mais c'est ça. Non, mais c'est important, c'est-à-dire qu'en fait, je t'explique, il faut que tu la tires vers le bas. Et ensuite, il faut que tu lui malaxes bien les deux, voilà. Sinon ça marche pas. Non, mais on s'en fout, c'est quoi ces conseils de merde? Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, mais oui, mais peut-être, pendant mais que tu malaxes tes couilles, et bah tu penses pas à la pression qu'il y a de la fille. Ouais, voilà. Bah tu sais quoi? Vas-y, va te faire enculer, connard. Voilà, le seul problème de cette technique, c'est que tu peux pas le faire debout. Ah bah nous voilà bien avancés, tiens. Ah bah oui, mais bon. Ça a ses inconvénients. Ah bah non, mais ça c'est sûr. Bon merde, on a perdu Mickaël du coup. Bon, on va essayer de le rappeler pour essayer de trouver une solution à son problème. Bon, on va récupérer Lucas également là dans quelques minutes. Lucas, t'es là? Ouais, je suis là. Bon, il y a les deux bêtes à télé qui vont débarquer et on va appeler la copine juste après, d'accord? Attends, oh, il y a un pote et il dit que vous êtes trop cool. Oh, bah c'est gentil, je croyais qu'il dit que vous êtes trop con. comment il s'appelle le pote? Théo. Théo, bah on l'embrasse, Théo. Bon, bah reste avec nous, on va donc. C'est Théo qui fout la merde avec ta copine? Non, lui il est super gentil. Ah super bon, sympa. Ça va alors. Bon, bah reste avec nous, Lucas. On va appeler la copine dans quelques minutes. Là, on va prendre la réponse avec la colle de Gabriel. On aura Guillaume, bien entendu, également. Vous toutes et vous tous, les teubés de la télé. Et puis le son de Jason Derulo qu'on écoute maintenant, là. Hein, Polo, allez, vas-y, fais ta demande à l'auditrice, là. Qui... Bon, jeune fille sans tête. Et envoie-moi ton numéro de téléphone à polo@funradio.fr. 105 is the number that comes to my head. Jason Derulo sur Fun Radio à l'instant, c'était Marry Me. Bon, il y a un message qui est arrivé de Maëva, je suis plutôt d'accord avec elle. À mon avis, la fille qui a envoyé la photo à Polo, que vous pouvez retrouver sur le Facebook de l'émission, la facebook.com/mikaelofficiel, elle a dû avoir un gage ou un truc comme ça. Mais sinon, ça veut dire qu'elle a pas de goût. Mais non, mais attends. C'est vrai. Non, mais c'est de la jalousie, c'est grave. Et elle a le droit. Non, mais attends, j'ai serré des bombes de meufs. Sandro, je l'ai serré. Je sais pas si, comment je dois le prendre. Bombe de meuf. Ouais. Et bah, prends-le bien. D'accord. Ouais, c'est vrai. Parce que, attention, je ne prends que de la qualité. Bien sûr. Il y en a qui prennent que de la médiocrité et de la quantité. Je voilà, ne donnerai exactement, pas de nom. Exactement. Ça commence par T, ça finit par off. Voilà. Et puis il y a des gens qui prennent que de la qualité. Voilà, c'est ça. Prends le bien. Bon, Yanji aussi qui dit Mickaël Rire garantie chaque soir. Merci, bisous à tous. C'est 69 degrés qui dit mort de rire. Il m'a tué le gars. J'écoute la radio, t'as perdu. C'était drôle, très drôle, effectivement. Bon, par rapport à la photo, donc c'est l'auditrice qui. Bon, on ne voit pas sa tête, on ne sait pas qui c'est, mais en tout cas. Entre le dessus des jambes et le dessous de la tête, elle est plutôt bien roulée. Ouais, mais même sans tête, moi je la prends. Même sans jambes, je prends le tronc. Ouais, Polo il baisse des troncs. Quelle horreur. Bon, et à marquer Polo je te kiffe avec un petit soutien-gorge noir et le pull le relever. Donc voilà, donc allez voir si vous voulez. Facebook.com/mikaelofficiel. Je vous cale tout à l'heure le son de David Guetta, le nouveau Shut Me Down que vous avez découvert sur Fun Radio évidemment. Il y aura aussi le nouveau son de Showtech. We like to party. Et puis Lady Gaga, Do What You Want. Ça c'est ce qui va se passer avant une heure. Et si vous voulez écouter des sons en particulier, bah, n'hésitez pas à vous demander, il n'y a pas de problème. Hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission et sur le Facebook, bien sûr. Vous tapez facebook.com/mikaelofficiel. Il y a Soussou qui dit Polo, sois pas dégoûté, Mickaël, c'est le meilleur. Bah, pour l'instant, c'est lui qui a la photo, pas moi, hein, que je sache. Hein. Mais c'est gentil quand même. Et Gaël qui dit ma belle-mère a la réponse de la colle. Eh bah, qu'elle joue, Gaël. Et Ludo qui dit au top, les gars, un grand bisou de la caserne de pompiers de Grenoble. On vous écoute tous en attendant le départ pour l'intervention. Continuez, vous nous faites rêver. Merci, Ludo. Puis bon courage. courage également à tous ceux qui bossent le soir, effectivement. Allez, on va se faire les teubés de la télé maintenant, vous le savez, tous les soirs aux alentours de minuit. Eh bien, on fait un petit tour de toutes les conneries qu'il y a pu y avoir à la télé. C'est ça, de tous ces connards qui disent de la merde à la télé. Exactement. Et là, c'est dans le grand jury, Arnaud Montembour qui nous montre... Montebourg. Montebourg et pas Montembourg. Ah merde, putain, Montebourg, autant pour moi. C'est un blaze Miguel. Arnaud Montembourg. Arrête avec le tambour. Bon, donc qui nous montre qu'il parle parfaitement anglais. Hein. C'est comme Sandro, quoi. Écoutez, moi je goûte peu la presse Péople. En ce qui me concerne, j'ai toujours fait condamner la presse Péople. Non, la c'est chaud. Presse il a fait exprès. Ah non, ouais, il ah a ouais, fait exprès. Ouais, ouais. Eh, peut-être parce que tu sais, il défend le truc, la France, les produits français, etc. Ouais, ouais. Peut-être qu'il a fait exprès pour dire. Ah, c'est possible. Ouais. Il voulait c'est dire possible. Donc la presse People. Hein. People, bien sûr. La presse People. La presse People. Écoutez, moi, je goûte peu la presse People. En ce qui me concerne, j'ai toujours fait condamner la presse People. La presse People, et c'est mal. Bon, et puis dans Top Chef également, ils seront pris pour des Américains avec un teaser de série télé. Alors, sauf que, évidemment, ça ne veut absolument rien dire. Elle est faite, l'erreur. Tu vas pas revenir dessus. Elle est faite. Top Chef, c'est une adrénaline que t'auras jamais ailleurs, à part si tu sautes en parachute sans parachute. Ah ouais, putain, alors on est bon là. Top Chef, c'est une adrénaline que t'auras pas ailleurs, à part si tu sautes sans parachute sans parachute. Là, on est pas mal quand même. Et puis dans Les Princes de l'amour, le pauvre Anthony s'en prend encore évidemment plein la gueule, le pauvre. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? T'es un goujat, y'a pas d'autre mot. T'es une des personnes les moins sincères de cette maison. Mais moi, je sais pas non plus si t'es sincère. Mais peut-être, moi, tu vois, moi, si j'aurais pas été sincère, je serais pas venu draguer un moche. Ouais, si j'aurais pas. Bon, déjà, et puis après, y a la faute de français si j'aurais pas, donc si ça, c'est la première. Car n'oublions après, pas que les. Les si n'aiment pas les règles. Exactement. Exactement. Écoutez, moi je goûte peu la presse Péople. En ce qui me concerne, j'ai toujours fait condamner la presse Péople. Voilà, bon, on parlera des phobies aussi dans quelques minutes sur Fun Radio. Si vous en avez des phobies, on va en parler. Parce que je vous demande ça parce que j'ai découvert des phobies improbables. J'en donne une comme ça, hein. La graphophobie. À votre avis, c'est la peur de quoi ? Des agrafes. Hein. des mecs qui font du graphe sur les murs. Pas du tout. La graphophobie, à votre avis, c'est la peur de quoi ? Je vais vous mettre ça sur le Facebook également, comme ça vous allez nous dire. Si vous pensez avoir la bonne réponse. Et puis dites tous les autres. Bon, il n'y a rien à gagner, hein, c'est que pour le sport. Vous nous appelez également 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 si vous voulez participer tout simplement. Il n'y a pas de problème, on est là jusqu'à 2h du matin. Bon, Lucas. Ouais. Qui est de retour, Lucas. Donc toi, tu aimes bien la presse Péople ou pas? Ouais. Ah, t'aimes bien. Bon, et est-ce que tu as déjà lu Closé. Non. Ah d'accord, ok, bah c'est dommage. Bon alors, Lucas, ouais. on va donc appeler la copine maintenant. Donc la copine, pour ceux qui viennent de débarquer, c'est un mec qui raconte des mythos sur lui à une meuf qu'il kiffe. Il a beau dire que ce n'est pas vrai et il continue à croire le mec, c'est ça? Ouais. Bon, on y va, on l'appelle, enfin tu l'appelles et moi je prends derrière si jamais elle reste fermée, d'accord? Ok. Bon, allez, vas-y, Lucas, sois un mec là, montre qui porte les couilles. Qui et oublie pas la technique, hein. Pince-toi bien les couilles avant de lui parler. Pince-les maintenant. Pince-les maintenant, là. Et fort, hein. Il va faire aïe dans un instant. Vas-y, pince. Ça fait mal. Mais oui, mais tiens, oui, tu vas voir. C'est le but. Tire-toi les cheveux maintenant. Ils sont trop courts. Tire pas. Juste les yeux. Merde, fallait s'y attendre, c'est le répondeur. On a le numéro de Lucas. Son pote aussi, je sais pas si ça vous intéresse. Ouais, pourquoi pas, on peut appeler le pote pour voir pourquoi il fait ça on peut faire. Ouais, bah, par écoute. Contre, c'est toi qui parle parce que... Ah bon, d'accord, ok, bah alors comment il s'appelle le pote? Dimitri, bon bah attends, et il s'appelle comment la meuf? Naomi, d'accord, bon alors bouge pas Lucas, je vais essayer de... Je vais le mettre au pas moi, tu vas voir, Dimitri. Ouais. Enculé. Je vole pas avec Mickaël. Bah oui, foiré. Qui va répondre. Ah bah oui, mais c'est pas sûr à Starcy. Au pire, on l'appelle demain plus tôt. Mais... Et ça se trouve, ils sont ensemble, tu les déranges là. Ouais, peut-être, va savoir. Ah non, ne dis pas ça. Ouais. Attends, je vais lui laisser. 06. Je vais lui laisser un message, l'embrouiller, je le rappellerai demain. 0. Ouais. Après le bip sonore, une fois votre message. Naomi, c'est ça, hein. Vous pouvez. Non, là, c'est le pote. Ah oui. Pour le modifier. Ouais, Dimitri, salut. Je t'appelle parce que je suis un pote de Lucas et apparemment il y a quelques petits soucis avec Naomi. Là, tu lui raconterais des conneries sur Lucas. Donc voilà, je voulais te parler pour voir un petit peu d'où ça sortait. Bon, je te rappelle demain. Je te rappelle demain en soirée aussi. Donc j'espère que t'auras les couilles de décrocher. Bon bah à demain, mec. Je pense que là déjà, avec la voix de la voix de tu vois. Ouais, la voix de la voix du grand frère quoi, ouais, tu vois, la voix la voix exactement, tout à fait. Bon bah Lucas, du coup on met le couvert demain hein. Ouais, OK. On fait comme ça ? Ouais ouais, et je peux passer une dédicace ? Non. Non, si vas-y, je plaisante. Vas-y, vas-y, il y a une personne. Ah. Je peux pas en faire deux ? Non, une seule personne, c'est la même chose. On fait une ce soir et la deuxième, tu la feras demain. Exactement. Ok, ok, ben je fais une dédicace à Hugo. Ah bah très bien, message passé, pas de problème. Oh, Batman aussi. Oui, tu vas gérer ça avec Sandro Standard, okay, Lucas. Merci. Salut, ciao à toi, à bientôt, Lucas. Et puis on va faire le gagnant ou la gagnante maintenant pour la colle. Ah bah c'est parti, on y va. Et on va jouer avec Gabriel, qui est avec nous, 16 ans de Marseille. Répète la colle, Gabriel, s'il te plaît. Alors, quel animal a un pied, deux sexes et un seul poumon ? Quel animal a un pied, deux sexes et un seul poumon ? Très bien, on va donc y aller maintenant. On appelle le ou la gagnante, Gabriel. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et donne la bonne réponse, il ou elle gagne. Si jamais ça ne décroche pas ou que la réponse est mauvaise, c'est toi qui repars avec soit le casque Beats by Dre, soit avec la GoPro Hero 3 Plus qu'on t'offre. C'est la Black Edition, le haut de gamme, ça vaut 450€. Tu prendrais quoi, Gabriel, toi ? La GoPro. La GoPro. Bon, alors, on va appeler le gagnant ou la gagnante éventuelle maintenant. Et on verra ce que il ou elle va prendre. Je me demande, tiens. Tu auras David Guetta juste après aussi. Ça va être du lourd avec Shut Me Down. Allez. Quelle magnifique musique, hein. C'est la plus belle. Ah, bah, au taquet. Et ça ne décroche pas, Gabriel, là. Allô. Attends. C'est Laureline. Allô, Laureline, je pense. C'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Je t'appelle pour voir si tu as la réponse à la colle de Gabriel. Gabriel va la répéter. Alors, quel animal a un pied, deux sexes et un seul poumon ? Alors, quel animal a un pied, deux sexes et un seul poumon, Laureline ? Ah, malheureusement, pas de réponse. Oh. Gabriel, c'est gagné. Ben voilà Gab. Comme quoi. Ça fait plaisir, hein. Eh ben tu m'étonnes. Et en plus tu repars avec la GoPro, puisque tu voulais la GoPro, ah, donc pas de problème. Eh ben remercie. Tu vas être bien. Remercie Laureline ou Laureline, je sais pas comment elle est. Pas bien compris son répondeur. Je sais pas, mais merci beaucoup. Ben voilà, de ne pas avoir décroché, puisque du coup tu viens de faire gagner Gabriel, voilà. Toute simplicité. Oui. Est-ce que c'est possible de faire une petite dédicace ? Bon allez, vas-y, il y a une seule personne, hein, choisis. Alors, la bonne. Juste une grosse dédicace à Sagui Benita, le poteau. Très bien, ben message passé, pas de problème. Est-ce possible d'avoir un petit accent ou... Dis donc, Gabriel, tu viens de prendre une GoPro à 450 boules et tu vas encore gratter un truc, toi ? Et ouais, parce que j'écoute tous les soirs, déjà. C'est tout ce que tu mérites, une grosse claque dans la gueule. Bon, Gabriel, on va t'envoyer ça, tu vas retourner chez Sandron, prends tes coordonnées pour la GoPro Hero 3 Plus Black Edition. Salut, Gab. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Ciao. On va parler des tromperies dans quelques minutes avec Johan, puisque c'est le sujet évidemment avec Toff. Hein. Est-ce que vous avez déjà pensé à tromper votre copain ou votre copine ? Et c'est surtout un sondage qui est sorti dans le magazine Glee et qui dit que non, c'est le site Glidden. C'est le site Glidden. Oui, je mélange tout avec les magazines. Mais c'est parce qu'il y a Closer qui va closer. Le magazine Péople. Voilà, c'est ça. Donc qui a sorti un sondage donc qui dit que deux Français sur trois ont déjà pensé à tromper leur copine et presque pareil. Hein, et c'est 3 sur 4 chez les meufs. Ouais. Et 3 sur 4 chez les meufs qui ont déjà pensé à tromper leur copain. Et donc je voulais savoir si vous avez déjà été jusqu'au bout, si vous avez regretté ou si vous n'avez pas été jusqu'au bout. Pourquoi vous n'avez pas été jusqu'au bout ? On en parle dans quelques minutes avec notamment Johan qui est avec nous de Rennes là. Salut Johan. Salut Mickaël. Comment ça va ? Oh bah nickel. Salut. Bon bah tant mieux. On va parler de tromperie dans quelques minutes avec toi Johan. Ne bouge pas donc. Hein. On va t'en reprendre dans quelques instants. On va récupérer Julie également. Et puis les filles, je vous attends. Est-ce que vous avez déjà pensé à tromper votre mec ou pas ? Est-ce que vous êtes arrêté ou pas ? Ben on en parle justement. 01 42 48 5000. Appelez-moi. 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et puis on va se faire un son que vous avez découvert sur Fun Radio. Mais c'est normal en même temps. Où est-ce que vous voudriez à découvrir d'autres ? Le son de David Guetta. Shut me down. Il est 00h12, on est en direct sur Fun Radio, c'est la nuit sans pub, on est pépère jusqu'à 2h. I was 5 and he was 6. Oh quelle horreur! Oh je viens de tomber sur quelque chose de Freddy qui m'a envoyé sa photo, une honte! Oh là là! Il a mis un masque d'Anonymous là! Ah bah attendez, une horreur! Je vous la mettre là! Oh quelle horreur! Oh Freddy merde! Putain, pourquoi tu as fait ça là? Scandaleux! Oh ça va me faire des cauchemars. C'est là horrible. Toute la nuit, il m'a envoyé une photo. Bon, et je vais vous la mettre sur le Facebook, y a pas de raison, je vais la partager. Mais là, je peux vous dire que au final, je suis quand même vachement, mais vachement moins bien loti que Polo là. Mais oui, mais les filles, on voit pas votre visage, n'hésitez pas. Hein. Ah bah ouais, on voit pas le visage. Donc, alors attendez, je vais la mettre. Donc, pendant que Polo reçoit une photo d'un corps de fille splendide, voilà ce que je reçois. Allez voir sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Donc, voilà ce que je reçois pendant que. J'écris en même temps. Hein, pendant que Polo reçoit le corps d'une bomba. Voilà, d'une bimbo. D'une bimbo. Merci à Freddy pour le déguisement. Voilà, allez voir. Hein. Je vais le mettre en live là maintenant. Alors attention, voilà, je choisis la photo, je vais la mettre. Et oh, ça fait peur, hein. Oh là là. C'est dur, hein. Ça fait mal. C'est dur. Bon, je vous la mets maintenant, attendez, ça charge. Voilà, publié. Allez voir facebook.com/mikaelofficiel. J'ai pu vomir à tout moment. Hein. Il y a marqué Mikael I love you, mais. Mais c'est sur un mec, quoi. Ça me. Ah, c'est. Dur. Ah bah si tu le dis. Hein. Oh là là, non. Oh là là, quelle horreur. Je peux pas m'en remettre là. Non mais va voir, c'est très très dur. Je vais aller voir de suite. Je vais te la mettre là. Part. Polo Toff, il va kiffer lui encore. Ah mais moi j'adore. Ah oh, bah ouais. Ah moi je le trouve hyper sexe. Oh, quelle horreur. Il a mis une petite perruque et tout. Hein. Ah bah bien sûr, il a tout mis. J'aime bien son masque. Bon bah facebook.com/mikaelofficiel, allez voir, c'est dur. Non, ça parle encore bien gaulé. Ouais, bah on parle phobie dans quelques minutes. D'abord, évidemment, on parle tromperie avec Johan. Johan, t'es de retour ? Ouais, je suis là, Miguel. Bon, allez, vas-y, Johan, on va parler des tromperies. Donc, puisque le site Glee a donc. Glidden, putain, qu'est-ce que j'ai moi avec ça ? Le site Glidden donc, a balancé un sondage. Apparemment, deux hommes français sur trois, auraient déjà pensé à tromper leur copine, mais ne l'ont pas fait. On ne sait pas très bien pourquoi, mais ne l'ont pas fait. Et 3 sur 4 filles, bah pareil en fait, mais chez les filles, on y ont pensé, mais ne l'ont pas fait. Vous avez vu comment je suis perturbé de cette photo là? Mais oui, je comprends ce que ça. Oh, quelle horreur. Ça t'a choqué. Quelle horreur. Elle a dû tromper le destinataire, Mickaël. Mais oui, mais la fille encore, mais que la meuf mette. Polo, je te kiffe, alors qu'elle a un corps sublime, et puis que je me ramasse la photo de Freddy, qui me dit Mickaël, I love you, mais alors v'là la gueule, v'là le corps, quoi, et puis v'là le masque, et enfin tout, quoi, c'est... Bah, j'ai mis les deux photos sur le Facebook, hein, allez voir, hein, c'est dur. Bah, Mickaël, t'aurais dû voir à Singapourienne il y a 15 jours, t'aurais apprécié. De quoi? Bah, j'étais à Singapour, t'as eu mon message il y a 15 jours. Ah oui, enculé, c'est toi qui étais à Singapour et qui nous envoie un message de Singapour? Ouais. Enfoiré, va. Je te souhaite le pire au monde. Merci. Non mais je plaisante. Tiens, on n'a pas salué Warren également qui est avec nous là, un auditeur. Ça va Warren? Moi ça va, tranquille. Ça en va, forme? Ça va, tranquille. Bon, très bien. T'as le Facebook là sur toi ou pas? Ouais, sur mon téléphone, ouais. T'as vu la gueule de la photo là? Non, pas encore. Ah mais bah, je vais aller voir ça. Va voir. Bah ouais. T'as quel âge? 17 ans. Bah va pas voir. On met 18 minimum. T'as pas l'âge. Tu vas te faire du mal. Voilà, qu'on brouille la connexion Wi-Fi et 3G dans le studio là. Ah ouais, pas mal, ouais. Ah, t'as vu, mais tu vois. Ah oui, t'as regardé le mec. T'as vu la fille ou pas? J'ai vu la fille aussi. Ah, tu vas mettre en fond d'écran? Non, merci. Ça. Non, mais tu n'as pas de goût. Bon, alors, Johan, bon, toi, tu nous appelais pour la tromperie. Alors, est-ce que tu as déjà pensé à tromper ta copine? Si j'ai oui. J'ai déjà pensé, oui. Alors, dis-moi. J'ai déjà pensé à tromper avec une de ses meilleures amies qui me regardait bizarrement. Oh, c'est bon ça. Qui avait là. Mais j'ai pas osé aller plus loin. Ah ouais, donc c'est ça. Donc toi, tu fais partie des deux mecs sur trois qui ont déjà imaginé des trucs avec d'autres que leurs copines. Ouais, voilà, mais je vois pas l'intérêt d'aller plus loin car c'est du respect pour celle qu'on aime. Oui, c'est parce que t'as pas réussi à conclure. Ouais, voilà, c'est ça. Mais si la meuf était arrivée, si la meuf était arrivée vers toi et qu'elle avait tout fait pour conclure, t'aurais dit non ou pas? Ah, je ne serais pas allé. Si je voulais la tromper, j'aurais pu la tromper à Singapour il y a 15 jours. Pourquoi? C'était le festival là-bas? Bah t'aurais dû, mec. Ah, c'est plutôt le festival, ouais. Ah bah ouais, mais ouais, bon. Mais t'aurais dû te lâcher, mec. Y a personne à Singapour. Enfin, y a personne. Tout se sait toujours. Même si tu tapes ta meuf, si tu trompes ta meuf à Hawaï, ça finira un moment ou un autre par revenir non, dans ta parce gueule. Il faut être malin. Bah peut-être, ouais, mais nous on est trop défouines, hein. Mais bah si oui. Tu donnes pas d'indice. Mais non, mais il y a un moment et tu vas croiser quelqu'un non. Et. Lavage de cerveau. Tu faux nom, faux nom, faux prénom. Tu bourres la meuf, tu la bourres. N'importe quoi. Hop, tu t'en vas, un tof. Comment on va te prendre en moment de faiblesse. Tu vas en boîte avec des collègues à Singapour, ça se fera vite, même dans la boîte. Ouais, mais, mais va pas avec tes collègues. Ouais, tu voilà. Faut être neutre. Faut être seul. Exactement. Faut partir, mais seul pour essayer. Mais oui, mais bien sûr. Bon, et donc du coup, donc tu l'as pas fait, mais tu as quand même pensé. Non. Ouais, voilà. T'y as pensé, enculé. Mec enfoiré. Non, non, mais après, voilà, t'y as pensé, ce sont des choses qui arrivent. Après, on est des êtres humains, même pour les filles, tu vois. C'est pas parce que tu vois un beau mec passer, tu peux avoir des envies, c'est pas pour autant que tu vas le faire, mais tu peux avoir envies. Et tout le monde y a déjà pensé au moins une fois. C'est pas une sur deux ou un homme sur deux. Oui, exactement, on est d'accord. Mais voilà, c'est juste pour savoir. Et toi, Warren, parce que tu fais le malin, là, il a rien dit, mais. T'as une meuf ou pas, Warren? Ouais, j'ai une meuf. T'as déjà pensé à aller voir ailleurs? Non, je la trompe à l'écran. Elle habite où, sur Paris? Ouais, dans la région parisienne. Bon, alors attendez, excusez-moi les Parisiens, je vais couper juste sur Paris, hein, pour qu'ils disent la vérité. On revient juste après. Hein. T'as déjà pensé à aller voir ailleurs? Je coupe sur Paris maintenant? Non. Très bien. Donc il a dit oui, hein, évidemment, voilà. Ah comme bah ça, oui, moi, mais c'est normal. Voilà. C'est mais normal. Il a raison, Mais oui, mais voilà. Il m'a avoué avant qu'il bourrait allègrement. Il peut passer des heures à bourrer d'autres femmes. Mais il a raison, mais il est jeune. Bah, oui. Il faut qu'il profite. Mais bien sûr, évidemment, il a raison. Bon, bah merci Johan d'être passé en tout cas. Hein. Merci Mickaël. Avec plaisir, tu reviens quand tu veux. Salut Johan. Merci, salut Mickaël. Ciao. Dadou également qui est avec nous là de Meurthe et Moselle. Salut Dadou. Salut. Comment vas-tu? Et ça va et toi? Bah oui, t'as déjà trompé toi ou pas? Ou t'as déjà pensé à tromper ton mec? Non, je suis satisfaite donc ça va. Mais ça veut rien dire, tu peux être satisfaite et avoir une envie parce qu'il y a une meuf que. Enfin, en l'occurrence, dans ton cas, un mec que tu trouves bien ou bien gaulé ou un fantasme. Enfin, tu vois, c'est. Non, même pas. Même pas, d'accord. Pas encore. Okay. Très bien. Bon, Dado, toi en revanche, tu nous as appelé parce que tu voulais un sextoy. Oui, voilà. T'es tellement satisfaite que tu veux te faire plaisir toute seule. Eh bah, dis donc. Non, c'est pour que mon copain il me fasse du bien, c'est tout. Non, ouais, mais au cas où il se barre, t'as toujours le matos à côté, quoi. Mais il est à côté de toi, là, Danou? Ouais, il est là. Ah, c'est pour ça que tu dis que t'as jamais pensé aller voir ailleurs. Bah, oui. Ah, t'emmerdes pas, bah. C'est bon, j'ai vu le clin d'œil. Ne t'inquiète pas, Danou. Bon, tu voulais un sextoy, toi? Oui, voilà, c'est ça. Ben écoute, on va t'en envoyer, offert par... passagedudésir.fr. Bien entendu. Tu préfères quel modèle, Dadou? Tu préfères le gros, le moyen, le petit? Le petit. Le tout petit? Le gros. Non, mon papa, il dit le gros, donc le gros, alors. Ben oui, mais pas, comme il a une petite bite, il veut quelque chose de plus gros, quoi. Mais oui. On va t'envoyer Gilbert. Oui, Gilbert le magnifique. On va t'envoyer ça sans problème, Dadou. Ben écoute, avec plaisir. Ah, merci. Sans problème. Je te fais des bisous, merci. Dadou. Au revoir. Salut, je t'embrasse, à bientôt Dadou, ciao. On va parler des phobies aussi dans quelques minutes avec Agnès et avec Mehdi. Et avant ça, eh ben Guillaume de retour là avec sa copine qui ne lui fait pas confiance. Guillaume. Oui. Bon, t'avais eu hier, pour ceux qui n'étaient pas là hier, peut-être réexplique un petit peu ce qui s'est passé, elle a pas confiance, explique tout, etc. etc. En fait, elle a pas confiance, elle croit que je vais la tromper avec quelqu'un d'autre et à cause de ça, on se voit pas et on n'avance pas en fait. Bah oui, mais pourquoi tu lui dis pas qu'elle peut avoir confiance et que tu la kiffes et que c'est avec elle que tu as envie de continuer et pas avec quelqu'un d'autre? Et puis c'est un peu con de pas se voir en fait. Son mec lui a déjà fait du mal, donc elle a peur que je fasse pareil en fait. Ouais, mais ça veut rien dire. Mais il a peur de. Et alors quoi? C'est pas parce qu'un jour elle a eu un accident de voiture, j'en sais rien, que d'office il va y avoir des accidents de voiture tous les jours. Ça peut arriver, mais ça. Le problème c'est que s'il vit en ayant toujours peur de tout. Enfin, moi je dis ça après, évidemment, je sais que toi t'es pas à convaincre, hein, t'es déjà convaincu à mon avis. Bah oui. Bah j'imagine. Bon écoute, on a essayé de l'appeler hier et si mes souvenirs sont bons, ça n'avait pas décroché, c'est ça? Comment? On n'avait pas essayé de l'appeler hier? Si, on l'a déjà essayé. Ouais. Non. Non, parce que... Non, il s'est endormi, monsieur. Ah oui, c'est vrai, ah, bah, bravo. Allô, il s'est endormi, au téléphone. Voilà, dis donc. Bon, on va essayer de l'appeler maintenant, comment elle s'appelle? Julie. Bon, tu lui parles ou je lui parle? Bah, je veux bien que tu lui parles et puis après je lui parlerai. Bon, écoute, on va essayer de l'appeler alors, c'est parti. On y va, quel âge est là? Elle, 20 ans comme toi? 20 ans, ouais. 20 ans, ok, allez, c'est parti, on y va, on l'appelle. Et je vais prendre ma voix de... Ta voix d'homme. Crooner. Je te sucerai le sang et tout, tu verras. Ou celle-là, je sais pas. Pense au Kistory, on va jouer tous les deux la marelle. Mais oui. Est-ce que tu pourras me faire un baiser à la coque, s'il vous plaît? Gilou, il est où? Putain, appelle-nous, Gilou, tu nous manques. Messagerie Orange. Merde, bonjour. Décidément, on a de la chance ce soir. Vous avez essayé de joindre, n'est pas disponible. Non. Laissez votre message. Ah bah c'est gentil de nous le prévenir, tiens, on s'en était pas bien rendu compte comme ça. Bon, Guillaume, c'est le répondeur. Tu crois qu'elle décroche pas quand c'est un appel masqué? Elle doit dormir, je pense. Ah bah ouais, c'est possible, en même temps, il est tard. Bon, bah Guillaume, tout ce que je peux te proposer, c'est de réessayer demain. Désolé, on essaiera plus tôt du coup. D'accord, ouais. Ben bon. C'est pour ça que j'avais dit que en fait vous m'appeliez plutôt. Ben on l'a fait, mais on t'a pris plus tard. Ouais, mais la faute du stagiaire. C'est la faute du stagiaire qui a fait de la merde. C'est-à-dire que nous, on était prêt à 23h et puis après, il a changé, il a enlevé des câbles, il en a remis et il a tout foutu en l'air. Donc voilà. D'ailleurs, pour le stagiaire, voilà, c'est Dexter au standard. Je te le renvoie, Guillaume, et on l'appelle demain, mais plus tôt alors, d'accord ? Ok, et est-ce que je pourrais passer une dédicace ? Oui, à une personne, vas-y. Bah, je passe une dédicace à mon frère, Pierre, qui est en train de m'écouter. Ok, voilà. Et le message est passé sans problème. Salut, Guillaume. D'accord, salut. Allez, à bientôt, ciao à toi, Guillaume. On va faire d'autres appels encore avec Tof dans quelques minutes. On va également prendre Agnès, qui est avec nous de Lyon. Salut, Agnès. Salut à tous. Comment vas-tu ? Ben, ma foi, ça va bien. Bon. C'est l'hiver. Eh ben oui, c'était remarqué aussi toi, depuis un mois maintenant. Hein. Oui, mais moi, c'est l'hiver qui me va bien. Avec ma petite phobie, l'hiver me convient bien. Ah, t'as un problème de... Ah, tu es une lépitophobe, c'est ça ? Oui, je suis lépitophobe. On va en parler dans un instant, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais tu vas nous en parler. Mehdi également qui est avec nous, salut Mehdi. Salut. Comment ça va ? Ça va, tranquille, vous ? Salut. Bah, ça va très bien aussi, Mehdi. Bon, Mehdi, toi aussi tu vas parler des phobies ? Ok. Bon, allez, bouge pas de là, Mehdi. Si vous aussi vous avez des phobies, on va en parler. Puisque je suis tombé là-dessus, j'ai découvert des phobies improbables. La graphophobie, c'est avoir peur de l'écriture. Mais c'est pas possible. Bah si. Il y a l'amaxophobie aussi, c'est avoir peur de conduire. Mais c'est pas possible. Mais si. C'est ouf. Il y a la pédiophobie. Alors là, on est au top, je pense. Hein. C'est avoir peur des poupées. Non mais c'est ouf. Il y avait quoi aussi ? La carpophobie, avoir peur des fruits. C'est pratique au supermarché. Mais oui, comment tu peux avoir peur des fruits ? Et alors, je vais vous en mettre un sur le Facebook. Il va falloir me trouver ce que c'est. Je pense qu'on est au top. C'est la nomophobie. Voilà. Oh, allez pas tricher, soyez francs. Hein. On s'en fout, il n'y a pas de cadeau à gagner. C'est juste pour voir. Je vous mets ça sur Facebook dans un instant. Facebook.com/MIKLOfficiel. Allez, restez sur Fun Radio. Les appels de Tof dans un instant. Et le son de Showtech, We Like to Party. C'est maintenant sur Fun. Le son de Showtech à l'instant, au cœur de la nuit sans pub. C'était We Like to Party. Il y aura Lady Gaga à suivre dans quelques minutes. Je vous cale aussi Macklemore. Et puis évidemment, un de mes sons préférés. On va chiller comme ça avec le son de Pharrell Williams. Ce sera Happy. Allez, restez sur Fun, il est 00h30, on est en direct sur Fun Radio jusqu'à 2h du mat. Soyez les bienvenus si vous arrivez, on aura le chéri, je peux te faire cocu. Avant 2h également, il y a Paul PC 28 également qui envoyait son message qui dit la phobie tophale, croûte, crotte de nez, merde. Oh, le package. Ouais. Je vous avais demandé ce que ça voulait dire la nomophobie, c'est avoir peur de quoi ? Il y a Quentin qui dit c'est avoir peur de Nemo. Il y a Soussou qui dit vous marrez pas les poupées, moi ça me fait grave flipper, ma fille aussi, alors pas de poupons, de poupées chez moi. Félicie qui dit Félicia, moi j'ai la phobie des cons. Ah oui, c'est la tophophobie aussi ça. Il y a Franck qui dit moi j'ai la tophophobie, bah voilà, la peur des enfants de putain. Ah, la violence. C'était par rapport à un appel qu'on avait fait. Maëva également qui dit mort de rire Mickaël, c'est bizarre maintenant, c'est Polo qui chope les filles et toi tu chopes les mecs. Non, mais t'inquiète pas, moi je t'aime toi et pas Polo. Merci Maëva. Non mais c'est un accident, t'inquiète. Il y a Jay Lapointe qui dit salut, la fidélité a été inventée à une époque où l'espérance de vie était 30 ans. Peut-être. Voilà, tout ça s'explique. C'est ça. Et Félicia qui dit salut tout le monde, un jour, 1h21 de retard, désolé, coup de pelle pour moi. Bah je te le confirme. Voilà, et deux même. Et même ça. Voilà. Et Secret Key qui dit nous sommes les meilleurs détectives quand il s'agit de connaître les secrets de nos mecs sans laisser de traces. Ouais, pas toutes non plus, hein, vous emballez pas. Et Johan qui dit pour l'Anonymous, n'aie pas peur, c'est rien que du bonheur. Non, ça ira. L'Anonymous, c'est un mec. Parce que Polo a reçu tout à l'heure, cet après-midi, une photo d'une bimbo où il y a marqué Polo, je te kiffe sur le Facebook de l'émission. Ouais. Non, je l'ai mis sur le Facebook de l'émission. Et puis après, un auditeur qui a voulu me rendre. Qui a voulu, parce qu'il a vu que j'étais triste, donc tu vois que c'était sur Polo et pas sur moi. Donc du coup, il a fait une photo de lui avec marqué Mickaël, je t'aime, mais c'est à gerber. Donc je l'ai mis aussi. C'est mignon, arrête. Ah non, je l'ai mis aussi sur le Facebook de l'émission. Là, allez voir facebook.com/MIKLOfficiel. On parle des phobies encore maintenant, mais avant cela, on va parler tromperie. Tromperie, pourquoi ? Parce qu'il y a un site internet qui s'appelle glidden.com. Oui. Voilà. Qui a donc fait un sondage pour savoir si vous aviez déjà trompé vos copains ou votre copine, mais surtout, et ça c'était plus original, est-ce qu'il y en a qui ont déjà pensé à le faire ? Et là on se rend compte que 2 mecs sur 3 ont déjà pensé à le faire et que 3 filles sur 4 également ont pensé à le faire. C'est quand même énorme. Et qu'après, ils n'ont pas fait. Et c'est ça, qu'après ils n'ont pas eu le courage ou ils n'ont pas réussi à pécho. Voilà, mais ils l'ont pas fait, mais ils y ont pensé. Donc du coup on va appeler des gens, comme on le fait depuis tout à l'heure, pour voir un peu comment ça se passe chez eux. Mais oui, voilà, pour il voir faut un peu savoir. Si... Oui, bah, il faut savoir pour voir s'ils ont déjà fait, qu'est-ce qui, pourquoi ils ont fait ou pourquoi ils n'ont pas fait, pourquoi ils ne l'ont pas fait, bah, comment ça s'est passé. Enfin bref, toutes les informations, on veut les avoir évidemment, donc on appelle depuis tout à l'heure. C'est parti, on remet le couvert maintenant. Allez. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous aviez déjà pensé à tromper votre mari. Ah, écoutez, je pense que si vous avez que ça à faire, moi pas. Merci. Bonsoir. D'accord, mais ça répond pas à ma question. Ah oui, ça répond pas à ta question, mais je pense qu'on est bien dans le cul là. On rappelle? Bah oui, évidemment. Bon, allez, c'est parti, on y va, on y retourne chez madame. Allez. Allô? Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupé. Oui. Oui, en fait, je voulais savoir si vous aviez déjà pensé à la tromper. Vous avez que ça à faire? Bah oui. Vous avez à tromper la vôtre, vous avez que ça à faire. Bah non, c'est pas la question que je vous pose, monsieur. Mais vous avez que ça à faire. Oui, mais ça a pas de rapport, ça, monsieur. Ah oui, non, ça a pas de rapport, mais il s'en fout, hein. On rappelle encore un coup? Oh bah oui, une petite dernière pour la route. Bon, allez, bah, petite dernière, je sais pas, hein, mais en tout cas, on rappelle, c'est parti. Allez. Allez. Allô? Oui, excusez-moi madame, mais vous avez pas répondu à ma question. Mais maintenant vous vous cassez les couilles, d'accord? Alors vous allez vous faire enculer vous et vos questions, d'accord? Autrement j'appelle la police et je vous fais rechercher. Mais enfin madame, ça se fait pas. Mais madame, il n'y a pas de madame, vous me cassez les couilles maintenant, merde. Mais enfin madame... C'est con parce qu'en plus il n'a même pas de couilles. Mais oui. C'est ça, c'est complètement idiot. En plus, donc tu vas te faire enculer toi et tes questions. Oui. Donc tes questions vont également se faire enculer. On va tous se faire enculer, on va être bien. Tout le monde va y passer, ça va être magnifique. On va se mettre bien. Mais complètement. Bon, allez, on va prendre Agnès maintenant là au téléphone. Agnès, est-ce que tu es là? Oui, tout à fait. Voilà, puisqu'on parle des phobies, je vous ai demandé si vous aviez des phobies. Et je vous ai demandé sur le Facebook de l'émission également et même à l'antenne si vous saviez ce que c'était la nomophobie. Voilà, question que je vous ai posée sur le Facebook et sur le Twitter, donc allez y répondre et puis on va voir s'il y en a qui trouvent la bonne réponse. Alors il n'y a rien à gagner, hein, c'est juste comme ça pour le fun. Tof. On avait proposé déjà Nemo, hein, donc c'est pas ça. Des noms? Non, il y a Xavier sur le Facebook qui proposait la peur des nomosexuels, n'importe quoi. Non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. T'as une idée toi Agnès, la nomophobie? Pas du tout. Bon bah très bien. Mais continuez à chercher également. Hein. Il y avait aussi la sidérodrobophobie. C'est la peur de voyager en train, quand même. Il y a l'automisophobie. C'est la peur d'être sale. La trichophobie, c'est la phobie des cheveux. Parce qu'on n'a pas Polo a priori. Non, la phobie des cheveux. Et il y a la musicophobie. Donc ça, c'est avoir peur de la musique. Mais t'as peur de quoi? Qu'est-ce que tu veux qui t'arrive en écoutant de la musique? Mais tu sais qu'il y a même le pire, je crois, c'est les gens qui ont peur des statues. Ah oui, ça aussi. Des statues, ouais. Ah ouais. Parce qu'en fait, j'avais vu ça, ça m'avait choqué. En fait, ils ont peur que la statue prenne vie. Tu vois? Et donc, ils se mettent. Et en fait, il y a plein de gens, apparemment, ils évitent le Louvre. Tout ça parce qu'il y a plein de statues partout. Et en fait, ils ont tellement peur de ça qu'ils évitent toutes ces rues où il y a des statues. Et ils sont en panique. C'est marrant. Musée Grévin, le mec. Ouais, grave. Un petit peu péter une durite. Bon, alors, du coup, toi, comment ça se passe, Agnès? T'as peur de quoi, toi? Alors, c'était quoi, toi? C'était la lépidophobie, c'est ça? Oui. Alors, c'est quoi la lépidophobie? En fait, c'est une peur panique des papillons de jour et de nuit. Ah, c'est mignon un papillon. Oui, c'est mignon. Mais oui, c'est gentil. C'est moche. Bah non, c'est moche, mignon un papillon. Non, c'est horrible. Avec des couleurs et tout, c'est so sweet. Non, vraiment, c'est pas possible. Même le nom, je l'aime pas. Mais dans l'absolu, t'as peur de quoi? Je sais pas. J'ai peur que ça me touche. Ouais, et quand bien même ça te touche, tu sais que ça ne pique pas. Donc qu'est-ce que... C'est juste pas possible, je deviens complètement tarée. Non mais c'est la cause. Mais qu'est-ce que t'as peur de quoi? Qui te touche, ça veut pas dire, oui. Ça veut rien dire. T'as peur qu'il te pique, t'as peur qu'il te mord, t'as peur qu'il te tue. Non, simplement qu'il se pose sur moi. C'est qu'un simplement qu'il se pose sur moi. C'est un truc de fou, c'est je peux pas manger en extérieur l'été, le soir c'est même pas possible. Enfin, et en journée, voilà, quoi, j'ai fait des balades à cheval dans le sud de la France, c'était juste une horreur, j'étais sous une couverture en train de hurler pour qu'ils me ramènent et tout, c'était terrible. C'est marrant ça, parce que tu sais, à la limite, je vais pas dire que je ne conçois pas ta phobie, hein. Mais tu sais, quand t'as peur d'un truc, tu peux avoir la phobie des serpents, des araignées, parce que ça mord, ça peut te tuer, et c'est balèze, etc. Et puis c'est balèze, mais tu sais, d'un papillon, c'est comme il doit y avoir des mecs qui ont peur des mouches. Ouais, enfin, il y a des gens, ils ont peur des souris, quoi. Mais tu sais, mais on est d'accord, mais moi je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. Et un papillon, ça vit une journée, je crois. Ça vit que 24 heures. Ouais, même pas, ouais. Et c'est trop. Mais non, mais regarde, tu peux concevoir que nous qui avons mis des migales sur notre main. Ouais, parce qu'on est des fous dans notre tête. Hein? Ça me gêne pas. Ah, t'as pas peur d'une migale, mais t'as peur de papillon. J'ai pas peur des serpents, j'ai pas peur des souris, j'ai pas peur des araignées. La dernière fois, elle faisait des photos avec un alligator, tout se passait bien. Bah oui, c'est ça, c'est marrant ça. Pas quand même, mais franchement, non, les araignées, ça me fait rien, je les prends dans la main, ça me dérange pas du tout. Par contre, un papillon, je suis tétanisée. Et qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment t'as eu un petit coup de panique? Ah, je sais. Non, c'est quand j'étais toute gamine, en fait. Il y a un sphinx qui s'est posé sur moi pendant que j'étais en vacances. Mmh. Et il est monté, il est en train de pondre des œufs sur ma robe. Et je pensais qu'il allait monter dans la bouche, me pondre des œufs dedans. Enfin, bon, c'était un truc de fou. Et ce jour-là, j'ai jamais pu m'en approcher. Ouais, j'ai suivi une thérapie. Quand ils ont voulu me mettre dans une serre à papillons, ça a été la catastrophe, quoi. C'est vrai qu'une fois, j'ai fait un rêve de... Tu vois, un gros papillon, un papillon géant qui avait la tête de Toff. Et je m'en suis pas remis. Ah bah tu m'étonnes. Mais ça, je comprends. Ah oui, oui. Bah c'est clair, il y a Robinho 77178 qui dit « L'homophobie, c'est la peur des hétéros. Nomo égale no homo. » Non, je crois que c'est un truc avec la justice. C'est pas la justice, non, il y a le prince qui dit... Mais vas-y. Attends, bouge pas. Si. Non, en fait. Un truc sur les lois ou un non, truc. Non. Il y a le prince qui dit, c'est quoi la nomophobie à votre avis? C'est peut-être la peur des noms de famille, pas mal. Il y a Chanlou aussi qui dit, mort de rire, avoir peur d'un papillon. La petite bête ne mange pas la grosse. Ouais, mais ça, les phobies, tu les contrôles pas, hein, c'est comme ça. J'avais juste une question, est-ce que tu as peur des chenilles? Oui, parce que ça en devient. D'accord. Wow. Non, c'était pour être sûr. Ah ouais. Ah bah oui, parce que ça devient. Ouais. Il y a Nova aussi qui dit la phobie des polos. Non, il y a Franck qui dit aussi. Ça fout les boules de voir que Polo reçoit une photo d'une putain de meuf et que toi tu te tapes une photo de mec. Ouais, mais je suis sûr que ça va s'arranger demain. Attends, c'est pas possible. Ça peut pas rester comme ça. Non mais c'est vrai, ça peut pas rester comme ça. Je suis sûr que cette demoiselle a dû se tromper et qu'elle va certainement corriger son erreur demain et voilà. Et envoyer Toff je t'aime. Je crois pas. Non. Alors si elle fait ça, je pense que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Maman, on peut pas se tromper deux fois dans la même journée. Ah bah non, ça sera deux jours différents. Non, je peux pas. Il y a Julien qui dit comment on appelle la phobie des vêtements, l'exhibitionnisme. Et Lénaïque qui dit une américaine a la phobie de la mayonnaise. Une vidéo sur un plateau télé la montre paniquée et hystérique car les présentateurs ont ramené des plateaux de mayonnaise. C'est dingue. C'est un truc de ouf. Et Dimitri qui dit vous êtes vraiment une énorme, c'est énorme sur cette radio, on rigole à coup sûr. Change rien, bisous à toute l'équipe. Bah merci à vous en tout cas, c'est cool. David aussi qui dit mort de rire, horreur Mickaël, je te plains, la photo du mec de tout à l'heure. Bah la photo du mec est sur le Facebook de l'émission, hein, facebook.com/mickaël officiel, allez voir. Et Ayo qui dit pour ma part j'ai la cynophobie, c'est la phobie du chien. Encore, je peux comprendre. Oui, il y a des chiens qui peuvent être, tu vois, qui peuvent être violents, qui peuvent être agressifs, etc. Et tu peux jamais savoir, un chien, même un tout petit, ça peut te bouffer. Enfin, ça peut pas te tuer, mais je veux dire, ça peut te mordre et ça peut faire mal. Donc, je peux concevoir, là, en revanche, effectivement, d'avoir la phobie. Pareil pour les chats. C'est clair que si le chat il pète une durite et qu'il te saute dessus avec les griffes et que, tu sais, il descend tout ton, franchement, ça peut faire un truc violent, quoi. Mais là, les papillons, c'est quand même bizarre. Attends, il y a aussi Mehdi avec nous de Perpignan, là. Salut, Mehdi. Ouais, ça va. Toi aussi, ouais, très bien. Toi aussi, t'es en mode papillon, là? Non, je suis en mode porte. T'es en mode quoi? En fait, j'ai peur des portes. T'as peur des portes? Oui. Des cochons? Non, des portes. Des portes, genre les portes qui s'ouvrent? Oui. Quoi? D'accord. Mais comment tu fais dans la vie? Attends, Mehdi, on va en parler dans quelques minutes, là. Reste avec nous. En attendant, il y a Valentin avec nous, là. Val? Oui. Salut, Valentin, ça va bien? Ça va. Bon, tu voulais parler des phobies aussi? Ouais. Bon, c'est quoi la phobie? Moi j'ai la phobie des mille pattes. La phobie des mille pattes. Mais c'est pas un... ça va, c'est pas un truc que tu croises tous les jours. Ouais, quoi. Tu croises pas ça tous les jours non plus, évidemment. Ah non, quand j'en vois, je pars, quoi. Bah tu m'étonnes, mais comment ça t'est venu cette phobie des mille pattes? Mais je sais pas, je sais pas, toutes les petites pattes, ça. C'est badant. Ah, il y a plein de pattes et ça te perturbe. Ouais. Ah oui, je comprends. Bon, et bah ça va, tu les vois pas tous les jours, donc c'est pas non plus la phobie la plus chiante du monde, quoi. Ouais. Et est-ce que vous pouvez me rappeler après parce que je suis avec la gendarmerie là? Pourquoi faire? Bah, il est arrivé. Mais non, ce que fait que je suis sur un parking à fumer clope et puis je vous écoutais, donc du coup, je me suis arrêté pour vous appeler. Et alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Bah, du coup, ils m'ont arrêté parce qu'ils sont passés, c'est normal. Enfin, je sais pas. Passe-les-nous. Bah, passe-les-nous. On va gérer le dossier. T'inquiète pas. Je vous écoute. Bah, allô, la police? Non, gendarmerie. C'est nous. Non, ils ne veulent pas. Oh, bah, mets la radio plus fort. Je suis l'adjudant Polo, veuillez tout de suite décliner voilà. Votre identité avant que je m'énerve. Mais mets la radio plus fort, là, on va leur parler. Il t'attend là. Ah très bien, la gendarmerie, bonjour. Mais il n'a rien fait de mal, le malheureux là. Il est là en train d'écouter l'émission. Et en plus il ne roulait pas avec le téléphone. À notre demande. Et hein, en plus il nous a appelé pour nous dire qu'il avait peur des chenilles. Et d'ailleurs il fuit. Des mille pattes. Des mille pattes. Vous allez quand même pas lui mettre un PV le pauvre. Il a peur des mille pattes. C'est déjà assez dur comme ça pour lui. Non mais c'est vrai. Par contre, vous pouvez venir arrêter Toff. Ah oui, avec plaisir. Et le sans problème, tout à fait. Ah c'est oui, la matraque. Bon, t'es où Valentin? C'est la gendarmerie, quel coin? Je suis à Nantes, c'est au Leroux. D'accord, ouais, ils sont en plus c'est les meilleurs là-bas. Ouais. Ouais. Par contre, ça sent un peu le shit quand même dans ta voiture là. Ah ouais? Ah ouais. J'ai l'impression qu'il y a des trucs palettes. Bon, on va le récupérer. Il a raccroché, il s'est barré. Bon, on va le reprendre après. Les fouteurs de merde. Bienvenue. Hein, c'est Fouteurs de merde FM. Oui. On est là jusqu'à 2h. Et alors, il y a Megumi qui dit, moi j'ai la canophobie, j'ai peur des cons. Ah. Donc tu ne dois pas écouter l'émission, Megumi. Attention, ça peut être dangereux pour toi. 1h15 sur Fun. Bienvenue, c'est Mickaël No Limit. On est là jusqu'à 2h avec la belle Lady Gaga. Bienvenue sur Fun Radio, il est 1h15, on est en direct sur Fun tous les soirs, hein. Vous le savez, du lundi au jeudi, il y a enfin un truc à écouter à la radio le soir, et c'est sur Fun Radio que ça se passe, ça tombe plutôt bien, on est là de 23h à 2h du mat, et puis le dimanche évidemment, de 20h à minuit, il y a le prince Nadia qui dit bienvenue sur Fouteurs de Merde FM, la nouvelle station qui va tout déchirer, j'en suis déjà une toute nouvelle auditrice. Ah bah c'est cool, merci. Bon, on dit ça pour ceux qui viennent d'arriver, c'est parce qu'on avait un auditeur qui s'était fait arrêter par les flics. Par la gendarmerie, voilà, monsieur. Et donc ça avait l'air de bien se passer, il avait mis la radio, donc les flics nous entendaient, et puis à un moment où j'ai dit où ça sentait le shit, il y avait je dois raccrocher, hop. Et puis bah plus de nouvelles, donc on va essayer de le récupérer quand même pour voir comment ça s'est fini. Il y a Soso qui dit moi ma meuf à chaque fois quand je lui montrais ma bite elle a eu peur. En fait, elle était surprise plutôt par la trop petite petitesse de la bête. Morgane qui dit je vous kiffe trop, je vous écoute tout le temps, je peux avoir mon message de bienvenue. Oui, si tu veux, avec plaisir. Il va te faire enculer, connard. Voilà. Tess également, moi j'ai toujours eu peur du Père Noël. Mon père se déguisait en Père Noël en été pour me faire obéir, sadique. En été, c'est genre j'appelle le Père Noël, c'était pas sage. Oh, tous mes gosses, c'est l'inverse. Laura qui dit pendant un entretien d'embauche, tu te tires des poils du cul pour pas être stressé, Toff. Bien sûr, toujours. Ouais, parce que Toff avait donné comme conseil pour ne pas être stressé de se malaxer les couilles et de limite de se faire mal. Ouais. Coucou l'équipe, je vous kiffe, Sandro, je t'aime. Un petit message de bienvenue, s'il te plaît, pour le Stéphanois, avec plaisir. Va te faire foutre, connard. Voilà. Et Camélis qui dit, Mickaël, si je te fais une photo pareille que celle de Polo, t'arrêtes de bouder. D'accord, Camélis. D'accord, tu peux faire. Hein. Mickaël@funradio.fr. N'hésite pas. Il y a Maëva qui dit, moi j'ai la phobie des araignées. Et Bastien qui dit, vous nous faites toujours autant rire. Bon, en tout cas, on fait ce qu'on peut. Voilà, on appellera d'autres personnes tout à l'heure avec Toff. On aura le chéri, je peux te faire cocu. Et puis on va continuer maintenant avec les phobies. On avait Agnès qui a peur des papillons, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Voilà. Et Mehdi également de Perpignan qui lui a peur de quoi, tu m'as dit? Des portes. Des portes, j'avais compris des porcs au début. Je croyais qu'il avait peur des cochons, mais pas du tout. T'as peur des portes, mais qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? Parce qu'encore un cochon, à la limite, ça bouge, ça peut courir après toi, enfin tu vois. Ça pue. Mais des portes, qu'est-ce que tu veux qu'elle lui arrive? Qu'est-ce qui peut se passer d'une porte? En fait, un jour, quand j'avais à peu près 9 ans, je me suis réveillée et genre, je suis allée devant pour aller aux toilettes. Et la porte, elle est devant mes toilettes. Oui. Et d'un coup, elle t'a parlé? Non. Non, elle s'est ouverte toute seule. Ouais, c'est ça, elle s'est ouverte toute seule. Non. Non. Et genre, si je te fais ça? Arrête. Et si je fais ça? Oh putain, arrête. Non, mais t'es pas sérieux. Et ça marche. Mais si, en fait. Ah. Et ça marche aussi avec les portes de voiture ou pas? Non. Ah, ça va. Mais en fait, genre, le soir, je me réveille une dizaine de fois pour aller voir si elle est bien fermée. Non. Oh, c'est elle est malade, celle-là. Oui, celle-là, elle est malade. Oui, celle-là, tu vieilles armoire. Ouais, attends. J'adore. Bon, ça, c'est un caveau, donc ça va, on est tranquille, quoi. Sinon, ça? Bon, ça, c'est une porte de château, t'as pas ça. Et aussi... Aïe. Hop, c'est chier. Michael, arrête. Vas-y, ouvre les portes. Ouvre les portes, ouvre les portes. T'imagines, il joue un jeu où il y a des portes. Allez, passe par cette porte-là. Non. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le jeu de la porte. Le jeu de la porte. Mehdi, ouvre la première porte. Je veux pas passer. Ah, Mehdi, si. Sinon, tu vas t'enfermer à vie. Mais oui, c'est dommage. Ce serait quand même porte. Ce serait quand même dommage. Allez, Mehdi. Bon, tout à l'heure, il y aura Polo contre le reste du monde. Vous avez voté, ce sera spécial phobie. Hein. Ouais. Sinon, moi, je propose qu'on fasse un jeu avec Mehdi. C'est quoi? Bah derrière chaque porte il y a un truc. Ouais. Derrière une porte il y a une GoPro, derrière l'autre porte il y a le beat, c'est derrière la troisième porte il y a rien. Il y a le vide. Voilà. Quelle porte tu veux choisir? Choisis ta porte. Attention, Mehdi, réfléchis bien. Choisis la bonne. Tu as le choix entre quatre portes. Allez, vas-y, choisis la bonne, ma gueule. La 1, la 2, la 3 ou la 4, Mehdi? Et Mehdi, bienvenue au jeu de la porte. On y va, Mehdi, la allez. La 2. Attention, Mehdi, réfléchis. Est-ce que tu es certain? Tu peux changer. Tu peux changer si tu veux. La 1, la 2 ou la 3 ou la 4, Mehdi. Si tu as trop peur, tu peux encore abandonner. Attention, Mehdi, participe au jeu de la porte. T'es sûr, Mehdi? Ouais, je suis sûr. T'es sûr? Attends, tu veux demander un joker ou pas? Tu veux demander l'aide d'un ami? On appelle quelqu'un. Ouais, bon, attends, on demande l'aide d'un ami. Vous êtes un imbécile? Ah, je pense qu'à mon avis, la 2 n'est pas la bonne réponse. Je pense, hein. Tu veux pas? On appelle un de tes potes ou pas? Je veux juste un conseil. Le conseil de Toff. Ah bah dis donc, t'as choisi le bon. Ouais, hein. T'es con, Mehdi. Oh, je sais plus que c'est ce truc. Dis-moi la combien. Écoute, moi, si j'étais toi, je choisirais la 3. Bon, allez, je prends la 3, je te fais confiance. T'es sûr? Tu devrais pas. T'es sûr? Mehdi, tu joues à quoi? Au jeu de la... À la porte. Pas de faire foutre, pauvre connard. Bon, allez, bah on ouvre alors, hein. Allez. Attends. Bon, alors quoi, on va pas attendre 6000 ans là. Attends, il a peur des portes. Bah oui, mais t'as peur des portes, pourquoi tu veux ouvrir une porte? Car il joue au jeu de la porte. Bah oui, non mais d'accord, ok, mais si t'en as peur. Mais en fait, si tu veux, c'est pas vraiment que j'ai peur de la porte. J'ai peur que... Ah bah y'avait rien. Ah bah c'était vide, hein. Quand j'ai rien. Ah bah non, y'avait rien. Alors, regarde rien. Encore une fois. Ah bah non, y'a rien. Eh bah merci Mehdi. Ah bah y'a rien. Je te la porte. Et tout est derrière la porte numéro 2. Oh là là. Oh là là, Mehdi. Putain, tu vois, je te l'avais dit. Oh putain, t'as perdu. Je t'avais dit que c'était la 2, Mehdi. Oh putain. Mais t'as demandé à Toff, il fallait pas demander à Toff. Mais en même temps, moi je t'avais dit la 2, Mehdi. Mais oui. C'est toi qui m'offres un cadeau. Bah oui, bah voilà, bah Toff s'engage. Attends, moi je te dis la 2, t'ouvres la 3, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mec? Toff s'engage. Tu m'as dit la 3. Mais non, je t'ai dit la 2. Mehdi. Mehdi, tu as choisi ton joker. Tu as choisi Toff. Volontairement. Vous êtes même un dégueulasse. Bah voilà. Oui, mais t'as choisi, c'est comme mais ça. Mais c'est pas grave, Mehdi, tu pourras revenir plus tard pour jouer au grand jeu de la... Porte. Quel magnifique jeu. Bon, Mehdi, reste avec nous à Perpignan, il y a Valentin également là. Hé, hey, Valentin. Ouais. Bon, alors, comment ça s'est passé avec les gardiens de la paix? Bon, 70€, tout va bien. Non, rien du tout. Bah, qu'est-ce qu'il voulait? Non, parce qu'en fait, ils ont entendu des coups de feu bizarres, apparemment, donc... Ils ont entendu des coups de feu? Ouais, du coup, ils ont entendu 6 coups de feu dans la nuit. Ah, d'accord. Nuit, et du coup, ils t'ont arrêté? Ouais, parce que moi, en gros, je suis garé sur un parking, et puis, bah, du coup, j'écoutais, donc j'ai appelé, et du coup, ils sont passés devant moi, ils ont fait une mi-temps direct. Ah, d'accord, ok. Non, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais ça va, ils ont quand même kiffé la petite dédicace. Ouais, bah, au début, ils savaient pas que c'était, et puis après, je leur ai dit Stéphane, et le flic, il avait fait « Ah, c'est fun !» Bon, on les embrasse, s'ils ont été cool, c'est bien. Mais ils ont vérifié parce que ça sentait le shit, hein. Moi, je sentais jusqu'ici. Ah ouais, ça... Ouais, du coup, bah, c'est pour ça. T'as soufflé dans le ballon ou pas? Ouais, zéro. Oh, c'est bon, ça. Ouais. Bah, bon, par contre, quand ils ont fait le test de salive, il était positif, mais bon. Ouais, mais ça... Ouais, bah, c'est pour ça, là, je suis dehors, Ça, c'est différent. J'ai une petite voiture. Bon, bah, du coup, Valentin, t'as la phobie de quoi, toi? Des mille pattes, du coup. Ah oui, c'est vrai, bah oui, je suis con. Alors, mais comment ça s'est passé, là? Pourquoi les mille pattes? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les mille pattes? Je comprends pas. Bah, je sais pas. Ça va trop vite. Non, mais ça va trop vite. Mais... non, mais t'as peur de quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? Mais je sais pas, j'ai peur qu'ils viennent sur moi, Avec toutes leurs pattes? Ouais, voilà, c'est trop chelou. Eh, j'ai fait un rêve. Toff était. Et, en fait, c'était un. Il avait plein de pattes. Voilà, c'était un mille pattes géant et ben, il avait la tête de Toff. Quelle horreur ouais. Oh là là. Ah bah, je comprends. Imaginez-vous l'horreur. Ah bah, attends, mais quoi, scandaleux. Il a la tête, tu sais, des peluches là, en forme de chenille. Ils font ça, ils aiment bien faire avec, des peluches. Avec la tête lumineuse. Avec la. Ouais, puis le sourire à la con là. Ah oui. Et ben, il a la même tête. Toff. Exact, c'est vrai que ça. Il y a maintenant que tu le dis un peu de ressemblance, je dois bien l'admettre. De quoi? Ils sont pas cool. Vous êtes pas cool avec lui. Hein. Non, mais c'est normal. Rigole, non, on rigole pas. On rigole pas avec Polo. Nous, on est très sérieux. Heureusement que t'es là, Valentin. Bon, il y a Val qui dit aussi la sandrophobie, c'est la peur de se taper Sandro. Ah bah, ils sont nombreux ceux-là. Ah bah oui, bien sûr. Ils sont nombreux. Let's Be Freaks qui dit le jeu de la porte. Eh oui, bah oui, grand jeu, hein, comme vous avez pu le remarquer. Magda qui dit pareil et Jordan qui dit bonsoir. Je commence par dire que ce n'est pas une blague. J'ai peur de la télévision pour des raisons que j'aimerais expliquer en ligne. Bah écoute, Jordan, n'hésite pas, tu nous appelles. Hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bah merci Valentin en tout cas d'être passé. Bah de rien. Et puis tu reviens quand tu veux. Ouais, je voulais juste savoir si c'était possible d'avoir un pack fun. Oui, tu vas gérer ça avec Sandro, je te la repasse direct. Bon bah ok, merci. Avec plaisir, salut Valentin, à bientôt. Allez, salut, et gros bisous à Mehdi et à Agnès également d'être passé, merci beaucoup. Salut à tous. Salut. Attendez. Oui Mehdi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a moyen d'avoir un petit truc pour le jeu de la porte. Le jeu de la porte? Bon, on va te filer une poignée. Allez, de porte. Ah, j'allais dire on lui envoie des clés, mais... Voilà, une poignée de porte. Mais non, pas ça. Allez Mehdi. Ah, une petite poignée de porte. Alors tu la veux comment? En plastique, en acier, en bois. Hein? Ou alors une porte de coffre-fort. Ok. Y a pas moyen d'avoir quoi? C'est pas un truc, ce qui passe. Bah ce qui passe, là si tu veux j'ai une feuille avec les titres qu'on doit jouer ce soir. Tu veux que je l'envoie? Non. Parce que je l'ai là. Comme voilà. Qu'il a eu Valentin. Qu'est-ce qu'il a eu Valentin? Il a eu un pack fun. Vas-y, je prends. Bah très bien. Le pack fun cette semaine, il y a des portes dedans. Donc méfiez-vous, on sait jamais. Une toute petite dédicace, s'il te plaît. Bon allez, vas-y, il y a une personne, vas-y. Je vous fais une grosse dédicace. Et s'il y a moyen que... Arrête. Fais une dédicace à toutes les portes de chez toi. À toutes les portes, non, on sait jamais. Je veux juste faire une dédicace. À une fille qui s'appelle Margot. Dire elle a appelé pour des fantasmes sexuels. Ouais. À Margot, en fin d'émission, ouais. Si y a moyen qu'elle m'appelle, je suis là. Ouais. Eh ben j'imagine. Voilà, et en fait elle avait pas peur des portes, en fait elle était juste n'info en fait hein. Ouais. Voilà, c'est juste qu'elle avait pris le cul quoi. Non mais voilà, c'est ça. Et du coup évidemment Mehdi est intéressé, tu m'étonnes. Salut Mehdi. Allez, ciao frère. Allez, ciao. Allez, casse-toi. Voilà, hop, fermez la porte à la gueule, tiens, comme ça on est tranquille. Abdel dans quelques minutes. Salut Abdel à Bruxelles, 28 ans, tu vas bien? Ça va et vous? Bah ça va bien Abdel, on parle de quoi dans quelques minutes avec toi? On parle un peu d'une histoire, d'une aventure un peu difficile quoi. D'une aventure. Pas très bien, on va dire. Bon, eh ben on en parle dans quelques minutes. On va s'écouter Michael Moore avec White Wall. Ça te branche? Ok, c'est parti. Allez, c'est parti. On écoute ça maintenant. On revient avec toi juste après. Il y aura le chéri, je peux te faire cocu. Les appels de Toff également qu'on va faire dans quelques minutes. Et puis Polo contre le reste du monde, ouais. Avant la fin d'émission. Spéciale phobie apparemment. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Ça va être du lourd, je pense, ce soir. Hein. Si vous voulez participer à l'émission de Polo qui dure 5 minutes en fin d'émission, Polo contre le reste du monde, appelez dès maintenant Sandro, hein, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Michael Moore maintenant, c'est White Walls. I wanna be free, I wanna just live. Michael Moore sur Fun Radio avec White Walls. Il est 1h02 du mat. On aura tout à l'heure, eh bien, le chéri, je peux te faire cocu. Et on a, tiens, j'ai pas demandé, tiens, Warren, auditeur qui est passé nous voir. T'as une phobie, toi, Warren? Ouais, j'ai une petite phobie, ouais. Du phobie, gel? Phobie de... Oui. Ah, il a une chevelure, c'est-à-dire que là, il y a du gel. Comment vous expliquer que le dos a du gel, boîte. Pas du gel. Ouais, mais de la cire, ouais, c'est ça. Ouais. Mais moi aussi, j'utilise de la cire, mais beaucoup moins. Bon, après, j'ai les cheveux moins longs. Ça se voit moins aussi. Sur toi. Ouais, ça se voit un peu moins, c'est vrai. Mais violent quand même, hein, en termes de hauteur, là. Ouais, j'ai un peu les cheveux longs, d'habitude j'ai les cheveux plus courts. D'accord, ça me fait penser à un pote qui s'appelle Dylan, qui bosse aussi sur Fun. Comment t'expliquer qu'il a les cheveux? Il arrive même pas à mettre le casque, hein. Ouais. Ah bah non, c'est il est obligé grand, de le mettre derrière. Ouais. Ah bah il est obligé de le mettre derrière, hein, je vous le confirme, c'est assez violent, je le confirme également. Bon, tout à l'heure, il y aura Polo contre le reste du monde, spécial phobie, si vous voulez bah, en parler avec Polo, c'est les 5 minutes que je lui alloue. Bah il paye cher hein, pour la location, ah, je vous le dis directement, bah oui. Bah il y passe la moitié de son salaire. Ah bah complètement, hein, même, voire même de trois quarts. Hein. Donc si vous voulez participer, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y a Angelica qui dit Mickaël, s'il te plaît, attends c'est quoi? donne-moi un message de bienvenue où je t'attache sur une croix au lieu de Toff. Ouais, Angelica, moi les croix ça me branche pas des masses. Mais par contre, je peux te mettre un message de bienvenue. T'as touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Voilà, ça faisait longtemps, tiens. Qu'est-ce qu'il dit, pauvre Toff, mon petit papillon. Oh, quelle horreur. Le prince Nadia qui dit Mickaël est à l'antenne depuis 20h sur Fun, il est toujours aussi en forme. Respect. Bah oui, mais ouais. En même temps, on fait ça parce que. Bah, moi, je le fais parce que je kiffe, hein, tout simplement. Donc ça me fatigue pas. J'ai toujours eu la phobie des verrous, c'est Nico. Des verrous, mais qu'est-ce que tu veux qui t'arrive dans un verrou? C'est bizarre. Axel qui dit, moi j'ai la phobie de la nuit, j'ai trop peur de rencontrer des fantômes, des extraterrestres ou des esprits. Ok, pourquoi pas. Magda qui dit, ma soeur a peur des coccinelles. Il y a Guillaume qui dit, salut Mickaël, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Tu peux me mettre un petit message pour mon anniversaire, 18 ans, ça se fête. Ah bah oui, ça se fête, évidemment que ça se fête 18 ans. Bah, je vais te mettre un petit message, t'inquiète, avec plaisir. Alors, celui-là? Va te faire enculer maintenant. Ça me paraît pas mal, hein. Ouais, c'était bien. Ouais, moi j'aime bien, ça passe crème. Il était pas mal, il passait crème, effectivement. Et puis William qui dit, putain, mort de rire, le fils de pute du jour. Attends, c'est quoi? Le fils de pute du jour, j'écoute la radio, t'as perdu. Ah oui, c'était tout à l'heure, ça. Avec le jeu de la rupture qu'on avait fait, évidemment, tant pour moi. Et le prince aîné encore qui dit, moi ma phobie c'est Charlie Chaplin, j'ai déjà rêvé qu'il m'assassinait de plusieurs coups de couteau. Tout en jouant avec sa canne, effectivement, c'est dingue ça quand même. Hein. C'est ouf. Il y a des gens, ils ont des phobies particulières. Voilà, particulières. Bon, il y a Pharrell Williams qui va débarquer dans quelques minutes sur Fun Radio. On parlera encore des phobies avec Marion. Et puis, on va surtout vous donner maintenant le résultat. Là. Qu'est-ce que la nomophobie? Voilà, une idée, Marion? Oui, enfin. Moi, je sais que ma cousine, par exemple, elle a peur des voitures. Ouais, mais c'est pas la nomophobie. Non. Bah si, parce qu'elle peut pas entrer dans une voiture, elle peut pas voir une voiture. Si elle voit une voiture, elle est nomophobe. Elle commence à faire une voiture. Ah, tu es bonne actrice. Grave, on dirait moi. Tu es bonne actrice. C'est pas mal. Ouais. Donc ouais. Et la peur des voitures, ça s'appelle la nomophobie? Bah non. Non, mais je sais pas, moi, mais en tout cas, je sais qu'elle a peur, elle n'arrête pas de se plaindre. Oui, non, mais ça, après, c'est une chose. C'est une phobie pour elle. Hein. Bon, mais attention, c'est pas une phobie, c'est la nomophobie, comme tu peux avoir la graphophobie, oui, bah, avoir peur des créatures. Je suis française, hein. Mais c'est pas grave, je te le demande simplement, c'est parce que c'est un jeu depuis tout à l'heure, le prends pas mal. Bon, hey, je vais te calmer, moi, je vais te calmer, là. Voilà. Hein, elle va vite redescendre, là, la petite, là. Donc, la nomophobie. La nomophobie, c'est avoir la peur d'être séparé de son téléphone portable. Ah ouais? Ça existe. Ah ouais. C'est une tête qui est comme ça aussi. Donc toi, t'es nomophobe? Ouais, c'est la... Enfin, comment dire, enfin, bon, t'as peur de quoi, Marion? Moi, en fait, j'ai peur des araignées et des portes. Ah, des portes aussi? Ouais. Non. Si. Non. C'est un truc de dingue. Eh bien, jouons au grand jeu de la... porte. Le grand jeu de la porte. Oh non. Le générique que des pans. Ouais, le grand jeu de la porte. Eh oui. Bon, alors, pour gagner les cadeaux, il faut que tu choisisses une porte. 1, 2, 3 ou 4. Ok. Attends. Tu as le joker? Ouais, 1, 2, 3 ou 4, ou alors tu demandes l'aide d'un ami. Moi je dis aucune et tu vas ça. Oh, tu veux pas jouer? Mais j'ai peur des portes. Bon, t'aurais choisi quoi? On va pas jouer, mais t'aurais choisi quoi? 1, 2, 3 ou 4? 2. 2? Oh putain, c'était un voyage à Hawaï. Oh là là là là là. Oh là là, là. Putain. T'aimes pas Hawaï? Comment toi t'aimes pas Hawaï? T'as déjà été? Ouais. Genre, t'as déjà été à Hawaï? C'est fou. Et quelle est la capitale d'Hawaï? J'ai pas été à la capitale d'Hawaï, mais j'étais sur une des côtes d'Hawaï, un truc comme ça. Sur une des côtes? Ouais. Mais en même temps, c'est une île, donc il y en a même plusieurs. Et sur quelle île t'as été? Je sais plus, moi j'avais quoi? J'avais. Et tu connais Waikaka ou pas? C'est la grande plage là. Ça me dit rien, personne. Ah bon? Alors, c'est où Hawaï? Attention à ne pas confondre avec Hawaï en Belgique. Tout près de Liège. Attention, le merveilleux village d'Hawaï. Oui, ça n'a rien à voir, je peux vous dire. On va leur faire gagner. Un voyage à Hawaï. Le mec, il sait même pas dire Hawaï, quel con alors. Non, tu vas voir. Mais tout compris, hébergement, tout. Ah ouais, bah alors là, on peut tout. Donc, Marion, c'est où Hawaï? Hawaï, ben je sais plus parce que enfin, faudrait que je demande à ma sœur. Faut que je demande à ma sœur. Non mais Marion, tu peux pas dire j'aime pas Hawaï alors que tu ne te souviens de rien d'Hawaï. Tu ne sais même pas où c'est. Mais je suis allée quand j'avais 5 ans. D'accord. Bah oui, mais alors tu peux pas dire j'aime pas. Mais esprit de contrariété, Marion, hein. Ben j'aime pas parce que je me rappelle que quand j'avais 5 ans, chaud. On avait une fête. Ouais, non mais parce qu'il faisait chaud, tu vois, il y avait des hommes noirs, enfin couleur noire et de peau, et ben ils s'approchaient de moi et moi je n'aimais pas, enfin je m'éloignais même si j'étais avec mes parents, j'avais peur et tout. Oui, mais tu peux avoir, t'aurais pu tomber sur les mêmes mecs ou sur des blacks ou sur des rebeux ou sur des blancs ou sur n'importe qui, à n'importe où sur terre, t'aurais pu avoir peur. Tu sais que si t'étais allé en Thaïlande, il y aurait plein de mecs jaunes qui seraient venus autour de toi. Jaune, les mecs sont jaunes. N'importe quoi. Avec des bonnets rouges. Comme Homer Simpson, quoi. Comme Homer Simpson. Exactement. Voilà. Bah, d'ailleurs, effectivement, est-ce que t'as déjà été là-bas? Il traîne Homer. Là-bas, Homer. Non. Homer est thaïlandais. Ah bah. Il vient de Bangkok. Exactement. Allez hop, partons à Bangkok. Hey, j'ai fait un rêve un jour. C'était Toff. Homer Simpson qui avait la tête de Toff. Hey, je peux te dire, j'ai couru comme Bart Simpson. Tu m'étonnes. Skateboard et tout quoi. Ah bah ouais, c'est clair. Bon, Marion, à qui tu parles? Ta gueule. Oui, excuse-moi, c'est ma... Mais attends. À qui tu parles, Marion? T'as Gilles de la Tourette ou comment ça se passe? La Tourette ou comment ça se passe? Un peu moins, Marion. Oh, que les tailles! Pardon. Marco, ferme ta gueule. Oh, désolé. Passe-moi Margot. Non, mais me casse les couilles. Non, mais passe-la moi. Passe-la nous, on va lui parler. Complètement. Ouais, allez. Bah, passe-la nous, Margot, là. T'es loin. Bah, non, mais attends, c'est mon truc. Attends, mais passe-la nous. Allô, Margot. Eh, Margot. Attends, ça va attends. Margot. Oui. Ça va? Ah, ouais. Eh, vous êtes combien là-dedans? Il y en a combien dans ta là-haut, tête? Là-haut, ils sont combien? Eh, Marion, il y a combien de personnes dans ta tête? Attends. Margot? Josiane? Thérèse? Flou? Tu crois que c'est le retour de Flou? Je sais pas, en masqué? Flou? Lolita? Lola? C'est Lola, c'est oui. Lola. Roberta? Ah, Lola, ah, c'est Lola. Eh, Flou? Eh, Flou, pourquoi tu... Alors, l'explication de Flou. Donc, Lola nous avait appelé il y a quelques semaines, voire mois, pour nous dire qu'elle partait dans un... Elle partait en Allemagne. Et que je sais pas quoi, là. Donc, du coup, voilà. Et donc, on lui avait demandé de nous envoyer une photo d'elle, parce que soi-disant, c'était une pure bombe. Et nous envoyer une photo Flou. Mais voilà. Complètement Flou, on voyait rien, en fait. Depuis, on l'appelle Flou, parce qu'en fait, elle s'est foutue de notre gueule, puisqu'on s'est rendu compte qu'elle avait pas l'âge qu'elle avait, et qu'elle devait pas partir où elle devait partir. Et donc, là, en fait, elle s'appelle Marion, Margot, Flou, Lolita, Lola. Enfin, bref, tout y est passé. Elle est sœur avec elle-même. Ben oui. Ben alors Flou, qu'est-ce que tu deviens? Flou, mais c'est Lola. Qu'est-ce que tu deviens? Déjà, je m'appelle pas Lola, je m'appelle Marion. Ouais. Je m'appelle Marion Esten. J'ai 16 ans. J'habite en 92. J'habite à Maison. Non mais c'est bien. Non mais c'est bien. Mais quel signe astrologique? Mais pas la première fois. Bah je suis de Balance. Bah je suis une 4 octobre. Quelle année? À 1997. 17. Ouais, 97. 97. Belle année. Ouais. J'aurais préféré 98. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais, oui, pour être né avec Zizou, quoi. Bah non, parce que au 98, il y a eu la Coupe du Monde et la France a gagné tout. C'est ça. Bah oui, effectivement, je suis con. Zizou, il jouait pas là, il jouait en Afghanistan, là. Non, mais c'est moi qui suis con, là. Hop, regarde, je m'en mets une, là. Voilà, de toute façon, je l'avais mérité. Non mais c'est vrai. Mais non, faut pas si, dire si, ça. Non, si je l'avais mérité. Non, pas du tout. Exactement, je l'avais mérité. Bah merci Marion d'être passée en tout cas. Mais je comprends pas votre truc en fait. Je sais pas, vous dites que je m'appelle Lola et je... Mais t'inquiète, c'est nous, on a plusieurs personnes dans notre tête. Parce qu'il y a plein d'auditeurs qui passent, alors on pense à plein de trucs en même temps, Marion. Ça j'avais remarqué, mais du coup j'ai une question. Vas-y. Comment on fait pour plus avoir une anophobie, je sais pas quoi. Une quoi? Parce que moi j'ai... Comment on fait pour pas avoir l'anophobie des portes ou je sais pas. L'anophobie des portes? Faut dormir avec une porte. Il faut coucher avec une porte. Non mais j'ai fait plusieurs fois l'amour avec des portes et c'est très agréable. Non, il faut aller voir un psy pour voir d'où ça vient, spécialiste. Parce que j'ai mon petit copain qui m'avait dit enferme-toi dans une salle avec une porte et tu regardes ta porte. Moi j'avais fait. C'est polo ton pote. Ouais c'est ça. Mais parce que en fait ton petit copain il est pas psy. Okay. Ouais, je sais. Ah bah ça s'entend. Hein. Bon, va voir un psy, il va t'aider, je pense, ce sera mieux. Ou alors, tu sais quoi? On va garder ton numéro, on va le donner à Lilou pour le Vin Fun demain. Ah oui, si, c'est parfait. C'est très bien. Non mais tu vas voir, le doc il va t'aider, t'inquiète, il est là pour ça, c'est un spécialiste. Il va te mettre bien. Ça va être la folie totale. Bon, ouais. Marion, je te repasse le numéro, je te repasse Sandro et on va t'envoyer à Lilou. Oui, allez, vas-y, il y a une personne. Alors, je voulais faire une dédicace à Florian Delattre qui est en peu. Très bien. Je voulais lui dire je t'aime. Oh, c'est mignon tout plein, alors dis donc. Bon, bah très bien. Bon, salut Marion. Au revoir et merci. Ah bah avec plaisir, tu sais bien nous aussi on peut rendre service. Abdel dans quelques minutes également qui va débarquer. Il y aura également Jordan qui voulait parler de la phobie également. Et puis on va se mettre le son comme promis maintenant de Pharrell Williams. C'est Happy sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël No Limit. Pharrell Williams sur Fun Radio, c'était Happy. Alors il y a des auditeurs qui n'ont pas compris, qui n'ont pas entendu apparemment quand j'ai expliqué ce que voulait dire la nomophobie. Alors la nomophobie, c'est avoir peur d'être séparé de son téléphone portable. Mais donc, c'est dingue ça. Bah oui, c'est ceux qui peuvent pas vivre sans leur téléphone portable. Qu'est-ce que je te dise moi, ce sont des choses qui arrivent, hein, c'est comme ça. J'en c'est... connais une, je donne pas de nom, hein. C'est Sandra. Ah ouais. Mais pas du tout. Mais si t'as peur. Et donc du coup, bah voilà, c'est la nomophobie, avoir peur d'être séparé de son téléphone portable. Il y en a qui le vivent mal et voilà, ils sont perturbés, voilà, tout simplement. Bon, chérie, je peux te faire cocu, on va le faire avant d'accueillir Abdel et avant de reprendre Jordan qui voulait parler des phobies également. Il y a Let's Be Free qui dit j'aimerais que tu me fasses une photo de toi avec écrit sur ton corps Love You LBF Let's Be Freaks. S'il te plaît, mon Toffinou. Allez, Toffinou. Mais bien sûr. Bien sûr, elle va faire ça depuis la croix. Si tu veux, on peut le faire maintenant, j'ai ce qu'il faut. Ah bah parfait. Allez, ben voilà, elle a Allez, Toff. Mais oui, mais on va le faire de suite là. Allez, pour voilà, donc, elle voulait alors une photo avec marqué Love You LBF. Love You LBF. Voilà, Sandro va s'en charger maintenant. On met ça sur le ventre, sur le gras ou pas? Non, on va faire ensuite sur le gras. Qu'est-ce qui se passe sur ma bite? Je fais pas sur ta bite, Toff. Bah alors, on va faire des trucs ou on les fait pas? Bon, sur les fesses, sur la fesse. Ok, vas-y, sur ta bite. Vas-y, sur le cul, allez. Sur le cul. Oh, quelle horreur. Avec du orange, ça va se voir. Sinon on a des gros noirs dans le bureau. Ouais, on a des gros noirs. Des gros feutres noirs. Il est con. Tu veux un feutre noir? Attends. Bon, on va aller le chercher, on va mettre ça sur le Facebook, Let's Be Freaks. Il y a Maxime qui dit qu'est-ce que vous nous faites rire, on s'en lasse pas tout trop fort l'équipe. Ben merci Max. Et ben merci d'être là aussi. Angelica qui dit mon petit frère a peur de la neige. Dès qu'il touche la neige, il panique. Merci pour le message de bienvenue, je t'adore. Ben c'est gentil Angelica, gros bisous à toi. Et Manami qui dit je suis Quand c'est quoi? Coulrophobe, impossible de regarder en vrai une photo ou en vidéo des clowns. Il en est de même pour les poupées en porcelaine. C'est marrant ça. Et Virginie qui dit moi j'ai la phobie des serpents, j'en ai une peur atroce. Non mais à la limite ça c'est pour le coup assez compréhensible. Bon allez chérie, je peux te faire cocu, vous le savez, c'est tous les lundis. Et puis là écoutez ça, c'était hier, c'était juste magistral. Et d'ailleurs pour jouer avec nous, il y a Kelly qui est avec nous là. Salut Kelly. Oui, allô. Bonjour Kelly, comment ça va? Ça va, merci. Bon, bienvenue Kelly. Alors, on va donc faire un petit chéri, je peux te faire cocu. Ouais. Voilà, pour ce faire, nous allons appeler ton mec. T'es avec lui depuis combien de temps? Ça va faire bientôt 4 ans. Ah ouais, quand même? Ouais, on a une petite fille et tout, donc... Oh, ce choupinou. Et tu as, rappelle-moi ton âge? Moi j'ai 18 ans. Très bien. Alors, le principe est donc... on va appeler ton mec. Maintenant, comment il s'appelle? Cédric, il a quel âge? Il a 21 ans. 21 ans, très bien. Il est plutôt du style jaloux? Ouais. Parfait, c'est encore mieux. Est-ce qu'il a un petit complexe, ce genre, un petit défaut physique? Il est un peu gros, il est perd ses cheveux, les oreilles décollées. Mis à part, ouais, ses cheveux, parce qu'il rase ses cheveux tout le temps. Mis à part ça, je vois pas grand chose d'eux, non. Ouais, mais il les rase parce qu'il aime bien ça ou il les rase parce qu'il les perd, alors du coup, il préfère les raser? Non, parce qu'il a un peu, il a un don vénitien, en fait. Il est roux? Il est parfait. Partout, hein. Non, les blonds vénitiens, ce sont les roux qui ne s'assument pas. C'est vrai. Ouais, voilà. C'est juste pour pas dire je suis roux. C'est quoi le truc qui gueule derrière là? C'est notre enfant. Ah merde, pardon, je pensais que c'était le chien. Je me dis putain le. Bon. Ah oui, d'accord, ok, donc c'est un petit jouet, très bien. Comment s'appelle le petit ou la petite? Eléona. Bon, c'est pas grave, on va dire qu'on est quand même chez moi, que t'es venu avec la petite. Elle a quel âge la petite? 18 mois. Alors, où est-ce qu'on aurait pu se rencontrer? Au salon de coiffure où j'ai travaillé pendant les vacances. Mais c'était quand les vacances là, pendant décembre? De Noël.

Bienvenue. Ah merde. Oh putain. Ou alors il a plus de batterie, hein. Ça c'est possible aussi. Alors ouais, attends. C'est possible. Bon, c'est pas du tout, comme bon. Il était pas avec moi. Bon, dans le pire des cas, on lui laisse un message sur le répondeur, hein. Tant pis, au moins il entendra que tu te fous pas de sa gueule. Ouais, okay. Attends. Je vais me faire suicider, moi. Ah bah oui, tu m'étonnes. Oh, allô. Quoi? Mais t'as entendu jusque où? De quoi? T'as entendu jusque où? Entendu quoi? Avec de quoi tu me parles, mon vieux? Ah, tu t'as pas entendu? Ah non, il a rien entendu. Ah, parce que j'étais en train de me la faire d'une violence. Oh là là, c'était énorme. Bon, par contre, comme je suis un peu précoce, c'est déjà fini, donc tu peux venir la chercher, hein. J'arrive, t'inquiète, j'arrive. Très bien, bon. Ah, c'est bien, t'as l'impression que c'est un jour sans fin. Bon, Cédric. Ouais. Bon, ouais, c'est. Tu t'excuses toujours pas alors, non? Non? J'essaye encore un coup, hein. Non? Non, mais y'a pas d'excuses, mon vieux, tu auras bien. Ça va. Bon, d'accord. Tu vas me frapper? Ouais, t'inquiète pas, je vais rien faire. Tu vas mettre quelque chose dans le cul ou pas? Non, rien. Est-ce que tu vas m'attacher sur une croix? Non, t'inquiète pas, j'arrive. Ça, mais je m'inquiète pas, moi je suis très zen, t'inquiète pas, parce que le temps que t'arrives jusque là où je suis, on a le temps de voir venir. Ouais, voilà, c'est ça, on discute bon. Ensemble. Bon, Kelly, maintenant que t'as bien appris le nom, vas-y, dis-lui. Ben, mon cœur, voilà, c'était juste pour te dire que t'étais piégé dans Chéri, je peux te rendre cocu. Bon, presque. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Mais oui, mais c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio, là, c'est le Chéri, ouais, je peux te faire cocu, ça fait quand même deux fois qu'elle l'aura tenu. Ah, oh, ça va bien se passer. Cet appel est interrompu. Bon, Cédric, non, t'as... Mais oui, t'es sur Fun Radio, oui, Cédric. Attends, je vais te mettre ta jingle, regarde. Tous les soirs. Ouais, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla. Mais oui, complètement, oui, complètement, complètement. Oh, et Cédric, t'as tendance à t'énerver un peu rapidement, je trouve, hein. Non, là, j'étais calme. Ah bon? Ah bah, faut pas demander. Ça va alors, parce que tu m'as quand même dit fils de pute, enculé de ta mère, etc. Bon bref, t'allais me taper alors que tu ne sais même pas où j'habitais, mais c'est trop. T'as vu que tu t'excuses? Oh bouffon. Surtout qu'il allait, bouffon. Il allait venir avec Toff, surtout. Ah ouais, ça, exactement, ouais. Il allait venir avec Toff. C'est là qu'on sent le mec qui est arrivé avec un argument de poids, quoi. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est du très très lourd. Comment ça tu disais que j'étais gros alors? Ça me chute mal, quoi. Non mais c'était pour un peu t'énerver, ça a bien marché d'ailleurs. Bon, on va te filer, Cédric, ou plutôt on va le filer à Kelly, après elle fera ce qu'elle veut avec, hein. La Nintendo Wii U avec le jeu Mario dedans, et puis bah Kelly, après si tu veux pas que ton mec l'utilise, tu peux le revendre. Voilà. Comme ça il aura bien la rage. Ouais, bon. Allez, salut à vous deux. Salut. Et je rappelle qu'on joue tous les lundis, hein, si vous voulez. Bon là on vous l'a remis, mais sinon c'est le lundi, le chéri je peux te faire cocu. Vous pouvez jouer et gagner aussi les cadeaux, comme là les Nintendo Wii U qui viennent partir, en appelant Sandro. Et on jouera lundi, donc 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Let's be free, ce qui dit magnifique. Je suis sous le charme, merci Toffinou. J'ai mis la photo, hein, de Toff avec marqué I love you LBF. Ouais, let's be freaks, voilà, c'est ça. Et Sandro a même mis un cœur et C'était trop mignon. Mais voilà, exactement, oui, c'est magnifique. Donc, vous pouvez la voir sur le Twitter. Je l'ai mise uniquement sur Twitter parce qu'on voit les fesses de Toff et j'ai peur que Facebook le vive mal et me bannisse de nouveau, hein, parce que comme ils ont l'habitude. Donc, Twitter, vous m'ajoutez, tapez Mickaël _, c'est le petit tiré en bas. Mickaël _ officiel, c'est dégueulasse. Donc allez voir. Megumi qui dit le chéri, j'étais dans le cocu là, je peux te rendre cocu, ce nom déchire. Pourquoi vous y avez pas pensé plus tôt? Mais je sais pas non plus, effectivement. Et Joevin qui dit aïe aïe aïe, tellement marrant cette émission. Même le gars a rigolé quand tu gueulais. Oh franchement énorme, merci Fun pour les programmes. Merci à vous d'écouter surtout. Manami qui dit chéri, j'étais dans le cocu, même après réécoute, je ris toujours autant. Misty qui disait pareil, let's be freak aussi. Ariel qui dit en ce moment, un couple chinois est en train de baiser, dédicace à mon frère qui m'écrit de l'autre bout du monde pour me dire ça. Donc on sait en Chine, il y en a qui sont en train de baiser et ça c'est beau. Et Magda qui dit ah, qu'il est bête, mais j'adore cette phrase. Et Didine, quelle différence est-il entre des cacahuètes et un clitoris? Il n'y en a pas, ce sont des amuse-gueules. Merci Didine. On s'écoute le son maintenant de Dimitri Vegas sur Fun Radio. C'est parti avec Stampede. Juste après, promis, Abdel va débarquer de Bruxelles. Il y aura Jordan pour parler encore de la phobie. Et puis on aura aussi Polo contre le reste du monde en version phobie. On va en parler. Oui. Parce que je rappelle que Polo a son émission depuis hier soir. Hein. Ça dure 5 minutes en fin d'émission. C'est Polo contre le reste du monde. Dimitri Vegas, on écoute ça maintenant sur Fun Radio. C'est la nuit sans pub. Dimitri Vegas Stampede à l'instant sur Fun, 1h38. Il y a Angelica qui a envoyé son message aussi, vous déchirez, j'étais mort de rire, je faillis me réveiller mes parents avec le chéri, j'étais dans le cocu. Magda qui dit Michel est un gentleman, mais évidemment. Jérémy Titi qui dit trop fort le chéri, je peux te faire cocu. Je vais vous couper la tête, trop fort, t'es un malade. Et le prince Nadia encore qui dit qu'est-ce qu'il dit, Michel le plus merveilleux homme sur cette planète. Et enfin Joss aussi qui dit les gros noirs dans le bureau, ça m'a tué. Oui, c'est Toff qui voulait parler des feutres, sauf qu'il dit on a des gros noirs dans le bureau, alors évidemment. Bon, il y a gros feutres noirs. Oui, bah voilà, il y a William qui dit feutres. Je viens d'arriver, du coup, Toff peut prendre un coup de fusil à pompe. J'ai pas de fusil à pompe, mais je peux évidemment lui tuer sa tête, hein. Voilà, sans problème. Et Camille qui dit les gens sont jaloux, Polo est un vrai beau gosse. Oh. Et le petit Philou qui dit elle a des goûts de chiottes, mort de rire. Mais moi j'aime bien mon Polo. Et Canvan qui dit j'ai déjà fait mes devoirs en écoutant Mickaël le soir et pourtant j'ai eu un 17 sur 20 en physique. Non, ah, c'est pas mal. Ah, c'est bien ça, plutôt pas mal. Le petit Philou qui dit ma bite sur le front de Toff, ça fait une licorne. Bah très bien. Et n'est-ce pas qui dit mort de rire, c'est un enfoiré. Le gars il aurait pu jouer le jeu tout à l'heure là dans le jeu qu'on avait fait, le jeu de la rupture. Bon. On va prendre, avant de faire Polo contre le reste du monde, nous allons prendre Abdel avec nous. Allô Abdel de Bruxelles, 28 ans. Salut. Comment ça va depuis tout à l'heure? Ça va depuis tout à l'heure. Bon, eh ben, bienvenue Abdel. Bon alors, de quoi on parle avec toi? Voilà, donc c'est une petite histoire, je me sens un peu gêné, donc... Oh, faut pas. Mais oui, on est en famille. Si, quand même un peu, parce que ce que j'ai fait, je suis pas très très fier, quoi. On dit c'est avec la femme d'un collègue, en fait. C'est très... Oh. Ah, t'as couché avec la femme d'un collègue? Ouais. Mais un collègue, genre un mec qui bosse avec toi, ou un collègue genre un pote? Non, genre un pote et un collègue qui bosse avec moi. Ah, les deux, ah, d'accord. Deux. Okay. Oh là là là là. Oh putain, toi tu t'es mis dans la merde. Mais pourquoi t'as fait ça? Bah, c'est d'un côté, c'est de sa faute, hein. C'est pas lui l'imbécile. Allez, c'est naturel, franchement. Enfin, lui, il dit pas rien que t'as baisé sa meuf. Attends, j'aime bien Abdel. D'un côté, c'est de sa faute. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour que tu puisses dire que c'est sa faute? En fait, c'est un collègue et j'ai un truc en alternative. Et j'avais son véhicule, en fait, j'étais occupé à travailler dessus. Mais j'étais fatigué, donc je lui ai téléphoné. Et sa mère, sa meuf dormait dans le coffre, t'as ouvert le coffre, non. Elle était là, nue, tu lui as mis une cartouche. Je serais bien, mais bon. Non, c'est pas ça. C'est comme ça. Donc j'ai tardé un peu sur son véhicule. Et il m'a dit non, il m'a dit ma femme elle le veut absolument pour demain et tout, vas-y fais-lui plaisir s'il te plaît. Et moi je travaille le matin donc c'est elle qui vient chercher. Je lui dis ok ça va. Je suis resté à bosser dessus, elle est venue chez moi au garage et voilà quoi, et ça s'est fait comme ça quoi. Oh. Quand c'est fait, le problème c'est que ça s'est fait une fois, j'ai demandé qu'on arrête, c'est arrivé on va dire c'est un accident, je voulais plus. Mais bon, allez, sous des menaces, ça a été fait encore une fois. Comment ça sous des menaces? La meuf t'a menacé? C'est une victime. Avec sa clé anglaise, elle était là, elle lui courait derrière dans le garage. Non, même pas ça, parce que je me suis senti un peu gêné au début. Allez, on est des hommes, hein, qu'on soit bah, évidemment, après, sous la contrainte, tu l'as refait, quoi. Voilà, sous la contrainte, je l'ai refait, mais après 3-4 fois, c'est bon, quoi, tu comprends. Et à un moment, allez, ils ont aussi deux gosses, donc voilà. Oh là là, Abdel, tu t'es mis dans une merde. Et peut-être un troisième en route maintenant. Peut-être. Voilà, peut-être, non, pas ça. Mais bon, qu'elle dise à mon ami, voilà ce qui s'est passé. Voilà, je sais même plus où mettre la tête, en fait. Ah bah là, tu l'as bien mise dans son cul pour ton moment, hein. Non, dans le cul, non, mais bon. Hein, entre ses jambes, tu l'avais mise, la tête, hein. Bah oui, là il connaissait le chemin. Bah ouais. Ouais, c'était facile, c'était plus court. Non, mais hein. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé la toute première fois que tu l'as vue, quand t'es venu rechercher la voiture, là? Non, mais le problème, c'est que je la connaissais d'avant. C'était même pas, Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est elle qui est venue vers toi? Qui s'est passé? Ça s'est fait instantanément, hein. C'est venu. Elle est arrivée, et tu lui as donné les clés, et bim, elle était à quatre pattes. Elle est venue, je lui ai dit, voilà, désolé, voilà, il y a encore des trucs à faire dessus. Donc voilà, je suis resté sur la voiture. Une fois qu'elle est finie, voilà, donc on s'est regardé, puis, au lieu de faire la bille, c'est parti autrement, et voilà, quand ça a dégénéré, quoi. Putain, pourquoi ça arrive toujours aux autres? Ouais, moi, ça m'arrive jamais, ce genre de truc. Ouais, moi, je préfère que ça m'arrive pas, vu les meufs de Toff. Je l'ai raconté à personne parce que j'ai pas osé. Et parce que tu dis ça à quelqu'un, on dirait, ouais, bon, c'est que dans les films ça arrive, quoi. Ouais, mais c'est ça, t'as l'impression d'être dans un film de cul. Oui, ouais, je vais chercher ma voiture. Attendez, madame, je dois vérifier encore. Il reste quelques trucs à réparer. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, attendez, je vais vous faire patienter. Regardez le piston, il est bien huilé. Non, mais t'aurais pu dire non. C'est vrai. Écoute, c'est un instinct humain. Non, arrête de trouver des excuses. C'est la meuf de ton pote, tu peux pas insulter une meuf comme ça que tu connais pas. Là, c'était la meuf de personne à mes yeux, j'ai rien vu du tout, j'ai pas blairé, c'est après que j'ai réalisé. Et arrête, t'as pas d'excuses, mec. Je suis désolé, hein. Et après, tu l'as pistonné. Bah oui, ça c'est clair. Ouais. Bah écoute, là Abdel, on peut pas faire grand chose. Hein. T'as fait la connerie. Tu veux faire quoi? Tu veux le dire à ton pote? Tu veux faire quoi? Non, mon pote est fini. Hein. C'est pas le fait de finir, mais bon, voilà quoi. J'ai perdu une amitié comme ça. C'est un collègue, je voulais arrêter, mais bon, Elle t'a menacé? Parce que tu dis, elle m'a menacé pour continuer, etc. Non, mais en fait, elle a mon privé, donc elle m'a téléphoné. Elle m'a téléphoné, elle m'a dit, voilà quoi, donc qu'il fallait qu'on se revoie. Je lui ai dit non, je préfère clôturer. Elle m'a menacé dans le sens que si on se revoyait pas, qu'elle le disait à son mari, quoi. Donc là, par contre, elle va pas le dire. Si, elle a encore envie de le dire, mais bon, je sais pas quoi faire, que je suis un peu bloqué, quoi. Non, mais il y a un moment... Attends, parce qu'il y a quand même un truc improbable dans cette histoire. Pas que je te crois pas, hein, c'est par rapport à la meuf. C'est-à-dire qu'elle menace, elle te menace, donc toi, au final, t'as rien à perdre. Bon, si, une amitié, c'est vrai, mais elle a quand même beaucoup plus à perdre. Elle est quand même mariée, elle a deux gosses, elle a une vie de famille, et donc elle te menace de le dire à ton pote, alors qu'elle va finalement, elle va perdre son mari, enfin, sauf s'il est con. Non. Mon ami, c'est un ami d'enfance, mais il est un peu, on va dire, aveugle, quoi. Sa meuf, elle est un peu, et lui, il est très dingue d'elle, quoi. Non, mais attends, mais moi-même, si je suis amoureux d'une meuf, et que la meuf vient me dire, bon, écoute, faut que je te dise, en fait, j'ai couché avec ton pote, ok, effectivement, je fais le ménage dans les deux, mais je ne le garde pas elle. Ouais, mais ça, c'est ce que tu dis, parce que là, t'es... C'est ce qu'on dit, hein. Un homme, ça reste un homme. Un homme, quand il a une belle femme devant lui, il est prêt à faire n'importe quoi et dire n'importe quoi et lui pardonner toutes ses conneries. Mais il pardonnerait jamais. Ouais, mais... Ce truc. Mais oui, mais attends, faut quand même pas déconner, là. Oh, grand choc, putain, qu'est-ce que c'est, ce truc? C'est plutôt pour elle, hein. Non, mais c'est vrai, ouais. Faut quand même pas déconner. Il y a Magda sur Twitter qui dit Abdel a couché avec la femme d'un collègue. Mais quelle idée. Oui, je suis assez d'accord, hein, c'est... Oh là là, tu... moi, quelle idée, mais tu vas rue Dark Scott si t'as envie de tirer un coup. Mais oui, c'est ça, voilà, t'es tranquille, là. Non, les Bulgares, ça nous a monté à la tête, on a grandi, hein, faut pas... Trop de Bulgares, ouais. Trop de Bulgares, ça c'est pas... Bon, bah, du coup, y a rien à faire, mec, hein. À part espérer qu'elle ne dise rien. Je me suis un peu lâché, quoi, mais sinon, voilà, c'était au fond de moi, donc voilà. Je l'ai dit, ça m'a rassuré, maintenant. Non, mais voilà, parce que... Maintenant, je suis dans la merde, ça ne change pas grand-chose. Bah non, parce que là, à part si elle ne dit rien et qu'elle a juste bluffé en disant « je vais le dire », mais qu'en fait, elle ferme sa gueule, bah, c'est la seule chance. Mais encore, tu vas arriver à revoir ton pote dans les yeux, là ? Mais le problème, ça, c'est que je le crois souvent pas, j'arrive pas. Mais un conseil pour tout le monde, hein, évitez les femmes de potes. Oui, oui. J'ai cru qu'il allait dire éviter les femmes. Non, pas éviter les femmes en général, mais bon, parce que une amitié ou une femme, il n'y a plus à choisir. En tout cas, personnellement, je l'ai fait une fois, je ne le referai plus jamais, même si c'est... Je sais pas qui vient devant moi, je toucherai plus en tout cas. Bah oui, enfin, mais voilà, mais c'est ça. Éviter les mecs, éviter les meufs et les mecs maqués, voilà, tout simplement. Après, si vous tapez une meuf qui ne vous dit pas qu'elle est maquée, ça vous y prouverait rien. Comme Mimoun, hein, ouais, c'est clair, quoi. Mais voilà, quoi. Bon, bah écoute, en tout cas, merci Abdel. Tiens-nous au courant, hein, quand il va y avoir quelque chose. Si un jour ça pète, tu te rappelles. Bon, avec plaisir, ça marche. Merci Abdel. Une petite dédicace pour un DJ. Allez, vas-y. Une grande dédicace pour DJ Mimoun de Digam. Et d'accord, voilà. Eh ben, y a pas de problème, on l'embrasse. Salut. Merci, salut. Avec plaisir, merci à toi également. Ciao Abdel. Bon, il y aura Jordan aussi avec la phobie. Là, avant ça, il y a le prince avec les Jean-Pierre Sauzère privé d'antenne durant une semaine. Vivement qu'il revienne, car moi j'apprécie ses passages. Oui, jusqu'à jeudi, il est puni, puisque il est passé hier soir. On a fait un polo contre le reste du monde. Ouais. Pour le défendre, et il nous a raccrochonné deux fois. Après le premier accrochage au nez, je lui avais dit, Jean-Pierre, si tu raccroches encore une fois, t'es puni d'antenne pendant une semaine. Il l'a fait, et ben tant pis pour lui. Jérémy dit qu'il y a un homme, reste un homme, arrête de mettre tous les mecs dans le même sac. Morgane qui dit la meuf, tu peux très bien dire à son mari que c'est lui qui lui a sauté dessus. Ouais, c'est vrai aussi. Et Andreas qui dit c'est trop tard, mec, t'as fait l'erreur, mais il faut anticiper, tous les problèmes peuvent s'anticiper, justement. Oui, c'est vrai aussi. Bon, attends, il y a Jordan qui est avec nous là. Jordan. Non, il n'y a plus Jordan. Ah merde, oui, ça raccroche effectivement. Bah bizarre, tant pis. Bon, bah, du coup, c'est pas grave, on est un peu en retard, on va faire le dernier appel, Tof. Allons-y. Allez, c'est parti, puisqu'il y a le site Glidden qui a lancé un nouveau sondage, enfin les résultats plutôt d'un sondage, qui dit que 2 mecs sur 3 ont déjà pensé tromper leur copine mais ne l'ont pas fait. Et 3 filles sur 4 ont également pensé mais ne l'ont pas fait. Donc on voulait savoir si vous l'aviez déjà fait, est-ce que vous avez regretté ou pas, ou est-ce que justement vous y avez pensé, et du coup est-ce que vous avez regretté de ne pas l'avoir fait ou pas. C'est ça, et j'appelle chez les gens pour leur poser la question. Exactement, donc on y va. Comment ça se passe? Tout à fait, on y va, c'est parti. Et on écoutera le son de New. New World Sound juste après la flotte. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Oui, voilà, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous aviez déjà pensé à tromper votre mari. C'est une connerie monsieur, merci bien. Mais pas du tout madame, c'est une question, allô? Non, bah non, c'est une connerie. Bon, bah on rappelle. Bah oui, allez. On peut pas rester comme ça. Ah bah je confirme, on y va, on y retourne. Oui, excusez-moi, on a été coupé, madame. Allô ? Oui, je vous écoute. Non, je disais, on a été coupé. Et pour quelle raison ? Bah parce qu'en fait, je voulais savoir si vous aviez déjà pensé à tromper votre mari. Mais qui êtes-vous ? Je m'appelle Toff. Toff quoi ? Je m'appelle Toff. Bah écoute, du genou, je sais pas ce que tu fous, mais barre-toi vite fait. Oui, mais vous répondez pas à ma question, monsieur. Non, mais moi, je te dis, barre-toi vite fait, arrête de m'emmerder. Au mais je vous emmerde pas, je vous pose une question, monsieur. Allô ? Écoute, du genou. Qu'est-ce que c'est que cette insulte de merde ? Du genou. C'est vrai, quand tu le regardes bien, on dirait un genou, ça. Ah, mais oui. Bon, attends, on va le rappeler. Allez. Du genou. C'est nul. Salam alaikum. Oui, bonsoir. Oui, monsieur. C'est pas gentil ce que vous faites. Vous pourriez me répondre gentiment quand même. Allô. Voilà, je pense qu'on n'en tirera plus rien. Non, effectivement, la réponse, c'est dommage. Ah, dommage du genou. Mais oui. Toff du genou. Monsieur du genou. Monsieur du genou, bonjour. Non, c'est original, pourquoi pas. Allez, dernière ligne droite de l'émission sur Fun Radio avec Polo contre le reste du monde. On va lire encore les derniers messages qui arrivent sur le Facebook et le Twitter de l'émission. Hashtag Mickaël pour envoyer vos messages. Et rejoignez-nous également Facebook, Instagram, Twitter. Tapez M-I-K-L officiel. Voilà, bonne soirée tout le monde, bonne nuit même. Au cœur de la nuit sans pub, c'est New World Sound et The Flute sur Fun. New World Sound sur Fun Radio, c'était The Flute. Bienvenue si vous arrivez. Bon, oui. Bah, c'est la fin de l'émission, là, 1h53 pour le coup, là. On sera de retour demain dès 23h, bien entendu. Il y aura Polo dans quelques minutes contre le reste du monde pour parler phobie et pour terminer ce grand débat de la phobie. Ouais. Voilà, il y a Jojo78 qui dit moi je fais un câlin à Mickaël pour la journée des câlins. Bah, c'est gentil, Jojo. C'était hier en même temps. Et Manon aussi qui dit Mickaël, c'est une tuerie, vous êtes énorme. Enfin, drôle quoi. Ah bah merci, Manon. Pierre aussi qui dit Mickaël, peut-on remettre le show Jean-Pierre contre Polo ? Ah bah non, il est puni là jusqu'à jeudi, là, Jean-Pierre Sauzère. Oui. Johan qui dit t'es jaloux de Polo ? Bah non, mais je suis plutôt jaloux de pas avoir su la photo de la charmante demoiselle qui a écrit sur son ventre Polo, je te kiffe. Et quand tu vois le corps de la demoiselle, bon bah ça donne envie hein. Ah bah je confirme. Joss aussi qui dit bonsoir les amis, j'ai avancé dans mon rapport RAT PORC hein. C'était par rapport à hier hein. C'était le même, bah, j'espère, tant mieux que c'était avancé dans ton rapport. Moi j'adore la rubrique Polo contre le reste du monde, j'espère qu'on aura l'occasion de la réentendre. Bah oui, bah, le prince Nadia, ça va débarquer dans quelques minutes. Je suis là. Fredes qui dit aussi on veut Polo contre le reste du monde. Snorky 55 qui dit oui pour Polo contre le reste du monde, mais non pour j'ai pas de cerveau, enfin quelque chose GPS. De bien écoute. Ah, GPS, d'accord, ok. Bah merci Snorky, bah voilà, et Guillaume qui dit salut l'équipe, l'intégration de Polo contre le reste du monde est une bonne idée. Bonsoir à toute l'équipe, un plaisir de vous retrouver en sortant du boulot, bis à vous, c'est Cédric de Lyon. Eh bah merci aux Lyonnais évidemment. Bon bah merci pour tous vos messages, il y en a eu beaucoup hein, ce soir sur le Facebook de l'émission, sur le Twitter également. On est là tous ensemble comme tous les soirs de 23h à 2h du mat, c'est tous les soirs de la semaine. Et bien sûr aussi le dimanche de 20h à minuit. Polo contre le reste du monde, 1h55, ouais, on est prêt, le standard est blindé. Le stagiaire est encore plus laid. Oh là là tout là. Tout le là monde là est sur les starting blocks. Tout à fait. Bon bah Polo contre le reste du monde, on n'a pas de jingle malheureusement encore. Hein. On n'a pas les ça moyens. Arrive, on n'a pas les moyens. Du coup, c'est parti. Ah merde, ah même bon. La musique elle marche plus. Donc, ah si. L'émission en bois. Ouais. Bienvenue dans. J'allais dire une connerie. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Hier, Jean-Pierre Sauzère nous a fait faux bon, cette espèce d'abruti, ouais, alors que j'étais là pour le défendre. Exactement. J'irai défendre d'autres causes comme celle de Sandro. Tout à fait. Voilà, ah merde, je peux pas causes... parler dans. De quoi ? Je ne sais pas si t'as le droit. Polo contre le reste du monde. Perdues. Moi, j'ai pas le droit. C'est moi ouais, qui t'as pas le droit, toi, ferme ta gueule. On commence tout de suite. Jordan, je t'écoute. Oui, salut à toute l'équipe. Oui, salut Jordan. Il n'y a pas d'équipe, je suis tout seul. Hein. Ah. Ouais, vas-y, allez, mène-toi. Oui, je vous appelle en fait parce que moi j'ai la phobie de tout ce qui bourdonne. C'est quoi ? Ben les abeilles, les super, guêpes. On s'en fout. Laura ! Bonsoir. Salut. Salut oui. Laura. Ça va ? Bonsoir. Oui, ça va. Bonsoir à tout le monde. Voilà, moi j'ai la phobie de l'eau. De l'eau de chaussettes ? Non, de l'eau de la mer. Super. Joël ! Super. Oui ? On t'écoute ? Oui, c'est moi. Qu'est-ce... On t'écoute ? Ah, je suis là. Attends, j'ai des minimums. Ouais, bah continuez d'attendre. Elodie ! Oui, salut ! Oui ! Moi, j'ai peur des clowns. Ah, d'accord, mais t'en connais beaucoup des clowns ? Non, mais on m'a fait une seule blague pour mon 18e anniversaire. Ouais, et bah, ils sont tous amenés en clown, maquillage, habillés. Alors, il n'y a que des oufs ce soir. Yanis ! Ouais, moi j'ai peur des canards. Super. Corentin ! J'ai peur de ta mère. Ah, c'est bah, super. Moi aussi j'ai peur d'elle. Mehdi ! J'ai peur de la merde. Ah bon, bah super. Mehdi, pourquoi t'as peur de la merde ? Parce que, je sais pas, un jour... en fait, j'avais déjà une phobie que j'ai racontée avant. Ouais. Et j'avais oublié de vous dire celle-là. Bon. En fait, un jour, genre, j'étais dans mes toilettes. Et genre, mon père, il a lâché un gros cake. Et genre, je suis venu, ça m'a fait trop peur. Que des ouf, j'adore. Sans nom. Non, faut pas le dire. Quoi? Faut pas quoi le dire. Quoi? Faut pas le dire, le nom, faut pas le dire. Quel nom? Mais mon nom, j'ai peur, faut pas le dire. T'as peur de quoi? De mon nom. Mais quel nom? Mais mon nom, ça... Ok, d'accord, Jordan, de retour. Oui. Vite. Ah, ben, là, toujours la phobie, la même phobie. Oui, mais exprime-toi, vas-y, développe. Ah, ben, moi, quand j'étais un peu plus jeune, je me suis fait piquer par... Il y avait un nid de guêpes, je me suis fait piquer dans les parties génitales. Oh, c'est super, allez, fous le camp, là, il m'a saoulé, allez, je te dégage. Laura. Oui. Il faut, ça se mérite d'être ici. Laura, je t'écoute. Alors, moi, j'ai peur quand je rentre dans la mer. Ouais. Alors, on croit qu'il y a des sables mouvants. Comme ouais, ça. Bah oui, c'est toujours. Quand je rentre, même dans ma salle de bain, j'ai des sables mouvants. D'accord, bon, elle a pas envie de parler. Joël ! Je peux parler, c'est Joël, c'est la parole. Bah parle, Joël, je peux parle. Je peux bah oui, parle. Oui. Bon, allez, continue à demander si tu peux parler et ne parle pas. Elodie ! Oui, je suis toujours là. Oui, bah je t'écoute. Alors moi, j'ai peur que ça soit en photo, en vidéo ou quoi que ce soit, c'est impossible. Mais de quoi ? De voir des clowns. Ok. Yanis, de retour. Moi, j'ai peur des yeux et des canards, j'aime pas les regarder. Corentin ! J'ai peur de toi. Ouais, je sais, ouais, on a compris, t'as peur de ma mère et tout. Moi aussi, j'ai peur d'elle. Mehdi ! Moi, j'ai peur de la merde de mon père, j'ai peur de la manger, j'ai peur qu'elle me pousse dans les artères. J'ai la peste, ça me fait peur. Aide-moi. Sans nom ! Sans nom ! Non, faut pas le dire. Faut mais, pas le dire. Ne pas dire quoi? Mais le nom, il faut pas. Mais on le connaît pas, ton nom, arrête de flipper. On le connaît pas. Non, il faut pas. Mais on le connaît pas. Oui, mais justement, il faut pas. Mais c'est pas possible, on ne le connaît pas. Mais si tu le connais, tu vas le dire, je sais. Oh là là là là, la bonasse. Oui, Polo. Oui. Oui, c'est moi qui t'ai envoyé la photo tout à l'heure. Ah, mais qu'est-ce que t'es bonne, toi. Avec mon 90C. Oh là là là là, mais tu viens quand... J'ai peur que tu me casses les fesses. Mais non, jamais, je peux... Si, si, j'ai vraiment peur. Bon, la bonasse, donc t'as une phobie de moi. Oui, j'ai la phobie de ta grosse verge. Ok, la bonasse. Laura, le oui. Retour. Bon, dis-moi. Alors, les sables mouvements, t'as peur des sables mouvements. Bon, Joël. Les sables mouvements. Bon, Joël. Oui, je suis là. Bon, allez, casse-toi. Joël, tu m'as saoulé, je te dégage parce que tu m'emmerdes. Il y a de l'écho, il y a du retour, il y a tout, tu sais pas parler. Elodie. Oui. Oui. Toujours peur des clowns. Ok. Yanis. Toujours peur des canards. Ok. Corentin. Je veux le numéro d'Elodie. Je t'emmerde. Mehdi. La mère de ton père. J'ai toujours peur de la mère de mon père. Sans nom. Oui. J'ai peur, Polo. T'as peur de quoi? J'ai peur que tu le dises. De ça quoi? Mais je ne le connais pas. Mais oui, mais j'ai peur. Oh là là, la bonasse pour terminer. Allez, on termine maintenant. La oui, bonasse. Polo. Ouais. Allô. Oui. Oui, donc c'est que tu viens quand tu veux. J'aimerais que tu me prennes profondément. Ah, mais je vais te déboîter, tu sais, la bonasse. Que tu tapes dans le fond. Je vais aller dans le fond et un peu plus loin. D'accord, ok. Est-ce que mon petit soutien-gorge t'a fait kiffer? J'adore tout, je prends tout. D'accord. Ah ouais, okay, ouais, mais je suis en chien en ce moment en plus, donc ça parfait. Va être bien. Je t'attends, Polo. Bah attends-moi, j'arrive, à tout de suite. Laura, pour terminer. Oui. Mais j'ai peur si quelque chose est mort. Mais où? Ah, sous la mer. Non. Oui. D'accord, bon bah c'est tout. Oui. Allez, fous-nous le camp d'ici. Elodie. Oui. Oui. Toujours pleure des clowns. Toujours peur des clowns, et puis celui qui a demandé mon numéro, il a calé sur Facebook. D'accord, ok, sur Facebook, le livre des fesses. Yanis. Ouais, je veux rajouter les poulets avec. D'accord, bah c'est parfait, merci Yanis. Corentin. Bah c'est quoi ton Facebook? Ça te regarde pas, allez hop, je vais dégager. Mehdi. Polo. Ouais. Je te demander un truc. Dis-moi. Y'a pas moi, Evo, tu m'envoies un petit cadeau, t'as vu, toi, ça m'a fait perdre, clochard. Non, Mehdi, allez, dégage. Et pour terminer, sans nom. Oui. Ouais. Le dis pas, Polo, le dis pas. De quoi? Le nom, le dis pas. D'accord, je dis pas. Les foules, quand ainsi se termine le Polo contre le reste du monde, spécial phobie aujourd'hui. Oui, bah effectivement, voilà. C'était phobique. Alors on reviendra peut-être demain si bon, pas. le jour où la grande direction se tombera dessus, peut-être qu'on ne reviendra plus. J'adore. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a de façon Polo contre le reste du monde, t'en as rien à branler. Voilà, la direction, j'en ai rien à branler. Voilà. Hey, je suis fan de nous, les gars. Écoute, tant mieux. Voilà, bon, il y a Maëva qui dit ça fait toujours plaisir de vous écouter, je vous aime. Merci Maëva. Bon, et ben nous, on va s'arrêter là. Hein. Ça me paraît pas mal. En tout cas, j'aimais beaucoup l'auditrice Joël, je crois, lancer ça avec de l'écho partout là. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, c'était très sympa. On n'a pas compris, mais il y avait de l'écho. Bah, et j'ai pas compris non plus, effectivement. Mais enfin, elle avait pas juste de l'eau. Non, ça c'était l'autre. Ça c'était l'autre. Bon, ben quoi qu'il en soit, nous on revient demain, bien sûr. Hein. Ce soir, évidemment, pas de top tweetos puisque la machine marche toujours pas, je le rappelle. Mais normalement, en tout cas, j'espère, demain ça devrait être réparé. Je sais, j'avais déjà dit ça hier. Bon, on va se faire le générique. Ouais. Allez, générique de fin. Attention, let's go. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bout des bites, te suce, toi l'enculé. T'aimes tellement ça. Voilà, j'ai loupé encore. Non, toi l'enculé. Car c'est plus ton oncle. Un enculé. Dormir. J'ai toute la journée. Vas-y, va te faire enculer, connard. Va te faire foutre, connard. Un connard. Quel bâtard. Vous êtes un imbécile. Vous êtes même un dégueulasse. Suce ma bite. Va te faire enculer maintenant. Va te faire enculer maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici? Quel bâtard. Connard. Que veux-tu? Va te faire foutre, connard. Toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des pitaf, te sucer, toi l'enculé. J'aime tellement ça me faire enculer. Toi ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Et ben voilà. Et je rappelle que Polo chante alors qu'il est en même temps en train d'écrire des textos et tout là. Qu'est-ce qu'il est balèze, ce qu'on appelle le talent. C'est ce qu'on appelle les talents, évidemment. Bon, allez, on va revenir demain, nous, en pleine forme, à partir de 23h. Ce sera l'avant-dernière de la semaine, toujours évidemment avec les casques Beats by Dre. Et on aura aussi les GoPro à vous offrir, les Hero 3 Plus Black Edition. Passez une excellente nuit tout le monde. Profitez bien et à demain. Rencard à partir de 23h, demain on aura aussi le je t'emmerde, donc si vous voulez participer pour gagner les casques Beats by Dre, bah, vous pouvez bien sûr aussi participer, notamment en vous inscrivant via l'application, si vous avez un iPhone, l'application Mickaël No Limit, pour Android ça devrait débarquer également, rassurez-vous, à demain 23h. Mickaël No Limit, 23h, 2h sur Fun Radio. Et c'est notre ami JB. Il a débarqué. JB dans la radio. Alors, pour faire juste une petite aparté, JB m'a fait un signe avant d'arriver. Là, il était là assis. Et il m'a fait comme ça, genre il a les lèvres gercées. Et il m'a fait le signe, comme s'il suçait des bites, quoi. Ah, c'est parce qu'il a trop sucé. C'est ce qu'il vient de me faire. Bah, c'est pas grave. Et je suis choqué, JB. Et y a pas de mal. Polo, ne dévoile pas notre vie privée. Non, mais on peut dire la vérité. JB doit arrondir ses fins de mois. Il va dans des soirées un peu bizarres. Exactement. Non, il y a qu'avec Polo, c'est gratuit. C'est l'amour. Désolé, ah, mais top. C'est beau, et ben bravo. C'est l'amour. C'est... Mais c'est bien. Moi, je suis bien que tu fasses ton coming out. Ouais, je suis content pour vous. Ouais, vraiment, je suis content pour vous. Et hors antenne, j'ai fait une vanne à Toff. Non, tu peux pas la faire. Non, tu peux pas. Oula, si Toff dit non, c'est vraiment que ça doit être lourd. Franchement, c'est. Tu sais, c'est un conseil d'un ami à un autre. Fais pas ça, JP. Fais pas ça. Bah vas-y, moi je veux savoir. Vas-y, on va savoir. Vous parliez de la phobie là, ouais. À l'instant. JP, je t'ai prévenu. Fais pas ça. Moi je veux bien qu'on parle de la vraie bille. Voilà. La phobie. La vraie bille. T'avais prévenu, JP. J'ai essayé de te sauver. Hein. Allez, sois sympa, Mickaël, parce que j'ai un cadeau en plus pour toi ce soir. Non, mais c'est à chier. Non, allez, elle est bien, Polo, elle est bien. Ah, j'adore. Ah, merci, Polo. La phobie, la vraie bille. Oui. Oh là là. Ouais, je t'avais prévenu, JB. On l'a définitivement perdu, je crois. On l'a perdu, ouais. JB. Polo. On t'a perdu, hein. Dans les méandres des ondes radio. Ah, bah ouais, là. Elle m'a fait rire. Ah, bah écoute, tant mieux. Hein, j'ai envie de dire, je suis plutôt content pour toi. Attends, j'ai un cadeau pour Mickaël. Ah, d'accord. Allez, il va me sortir une feuille de merde, ça va être quoi maintenant? Je t'offre. C'est quoi? Et j'avance, hein. Ça va faire deux bites dans la même soirée. Ouais. Alors. Je t'offre un plan cul. Il est con. Il s'est pris la tête à imprimer un cul. Une photocopie d'un cul. Et... Oh putain. Oh là là. Alors, je l'ai en couleur si vous voulez la mettre sur votre Facebook. Non. Qu'est-ce qu'il en pense, Bruno, de tout ça? Parce que ça ira. Je préfère la demoiselle qui a fait une photo pour, pour Polo. Hein. En termes de level, là, on est quand même à un level vachement plus important. Hein. C'est un cul avec un plan dessus, donc un plan cul. Voilà, okay. Pour les auditeurs. Merci beaucoup. C'est marrant. Bon, on se retrouve demain, nous, comme je le disais, à partir de 23h. Loupez pas Bruno tout à l'heure à partir de 6h. Ah oui. La France. Ah bah oui, la France. Est-ce que Dario sera de retour de la gastro? Est-ce que Karel sera de retour de la gastro? Ah, c'était qui a fait le clash? Excusez-moi, j'ai pas écouté Fun. C'est Jean Robert, c'est à nouveau. Ah, c'est Jean Robert. Jean Robert. Jean Rob. C'est Jean Robert, le son dance floor. Jean Rob. C'est Jean Rob. Jean Robert, voilà, c'est ça. Il tient une boîte à côté de Saint-Tropez. Exactement, exactement. Bon, et donc, du coup, est-ce que Karel sera de retour ou est-ce que je serai nouveau dans le Vinfun à partir de 20h? On verra demain. A priori, il sera là. Est-ce que JB sera contaminé par la diarrhée? Est-ce que JB sera contaminé par la chiasse? Je ne sais pas. Non, les gars, demain, je joue à un match de foot juste avant vous. Mais ça n'a rien à voir. Non, mais ouais, mais bon. Et bien, si t'as la chiasse, je peux me marrer. Hein. Ah bah là je peux me marrer là, je peux me marrer pendant un moment. Il mettra la télé dans ses chiottes. Ah bah ouais. Oui voilà, c'est une idée, ouais. C'est, merci, top, c'est une idée. Avec plaisir. Bon allez, bonne nuit tout le monde. C'est JB, c'est le son d'Eminem et Rihanna qu'on va écouter maintenant. Si tu veux, ouais, c'est avec... bien. Ouais, je sais que t'aimes pas, mais on va faire ça. Si, arrête, j'adore. Tu me dis il y a 5 minutes que t'aimais pas. J'adore les Nems alors. J'adore Eminem. Oh putain, allez, je me casse là. Allez.